à Cita pour l'écouter. 89.1 C'est fou.ca. Le plan de cette semaine, assemblage rookie. Gabriel Béhoud nous fera un compte-rendu de la grande finale d'improvisation en allant à un quiz à la huître. Et Véronique Mire nous amusera une dernière fois avant d'abandonner l'alphabet dans son Véronictionnaire. Assemblage rookie commence tout de suite. Assemblage rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage rookie pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie en ce mardi 19 avril pour la semaine du 18 avril 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Elle s'est blessée à la clavicule. Donc elle qui n'a plus de vésicule, comme on a appris dans les dernières semaines, de vésicule biliaire. Donc elle, tout ce qui est fini avec un hull. On sait pas ce qui reste mon à Mon Dieu, Mathieu, moi je viens de penser à un truc qui finit en hull. Ah, moi aussi! Je l'ai vu, ça, elle avait l'air particulièrement mal en point pour elle, elle avait pas l'air de filou. L'épaule, c'est l'épaule qui fait mal. Donc tiens, la fois que vous avez entendu, là, c'est celle de Gabriel Béhoud. Avant de l'introduire, on va vous présenter ce qui s'en vient plus tard. On va voir Véronique Mire à 16h30 dans la deuxième heure en milieu d'émission pour sa chronique. Le Véronictionnaire, elle est rendue à la lettre A. Donc on va enfin terminer son Véronictionnaire qui dure depuis des années. Mais on la perdra pas de vue, elle va être de retour avec nous avec autre chose éventuellement. On a une grosse pointe d'adresse à la fin de l'émission. On va goûter, enfin on va boire encore quelque chose qu'on devrait pas boire parce que c'est peut-être plein de sucre. Mais comme je le disais, c'est le moment d'accueillir notre collaborateur d'improvisation, hein. Donc le voici à l'instant, c'est Gabriel Béhoud et dans les coulisses de la Luître. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour! Salut Mathieu. Salut Gabriel Béhoud, comment ça va? Très bien toi? Absolument fantastiquement bien. Hey, je me suis remis de la finale d'hier, là. C'était haut en couleur pour moi. Très grosse finale, ce fut une épopée toute cette aventure-là. Ça s'est fini Mathieu, là. On y reviendra, là, ouais. Mais... Je sens qu'on va y revenir. Pas fier de moi, j'ai pratiquement pas dormi. On va raconter pourquoi. Oui. Tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Pour l'instant, ouais, on écoute la chronique de Gabriel sur le terrain. Pas. Pourquoi donc, pas? Donc, pourquoi pas aller entendre la chronique de lundi soir, le matin, l'après-midi. Allez, allez, allez! Vous écoutez lundi soir, le matin. La chronique sur l'impro universitaire. Mon nom est Gabriel Béhoud. Je suis au 10-12, le local, avant un match de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ce match est le dernier match avant les séries éliminatoires pour les Rouges et les Verts. La semaine prochaine, il y a un autre match, mais pas ces deux équipes-là. Face à face. Je suis avec Alexandrine Pichet-Sire. Alex, comment entrevois-tu le dernier match de la saison? En fait, j'ai beaucoup de peine, je pense, parce que, tu sais, dernier match, puis après ça, ben, il va avoir la pression, puis je sais que mon capitaine, c'est vraiment quelqu'un de super compétitif, puis des fois, quand je gagne pas le point, ben... Il me fait des choses. Alex, toi, pour évacuer la pression, vu que t'as pas de gens dans une équipe à bullshit, qu'est-ce que tu le dis, hein? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu fais, genre? Ah, en fait, j'ai toujours mon petit rituel avant-match. Je mange des fèves germées avec un smoothie de germes de blé. Après ça, je vais faire un bon 1h30 de yoga chaud pour évacuer les toxines. Je me fais aussi un masque à l'avocat et au purin de chèvre. Puis après ça, ben, je me sens bien, je me sens zen. Puis après ça, peut-être pendant 1h30 avant le match, je réchauffe ma voix, je fais des vocalises, des choses comme ça. Parlant de vocalises, veux-tu nous faire un extrait de chant de gorge inuit? Chant de gorge, non, c'est pas dans mon répertoire, je suis désolée. Ben dans ce cas-là, bon match. Merci Gabriel, bon match à toi aussi. Face à face. Mathieu, aujourd'hui là, j'ai jamais autant de problèmes avec Adobe Audition, le truc, ça Audition, en tout cas, peu importe, mon truc de montage, il a fermé, rallumé, tout ça pendant une heure où je m'étais dit, je me séduis une heure dans ma journée où je fais pas de devoirs puis je fais le montage, tu comprends, et pour au final faire comme, ah, génial, là j'y suis arrivé, sauvegarder. Avec un nom vraiment, le mixage final. Oui, il s'appelle vraiment final, mixage final, mix final, final. Je peux pas vraiment me tromper. C'est pas mal la finale. Qui date d'aujourd'hui, 19 avril. Oui, puis finalement, mais c'est une chronique qui date de un mois. Bon. OK, on va faire une parenthèse pour les auditeurs du mardi. Ça n'a pas d'allure. Mais envoie-moi le bon fichier, je vais le mixer dans la rediffusion du vendredi et dimanche. Okay? Parfait. Donc les autres qui ne sont pas le mardi ne vivront pas ce malaise avec nous, c'est bon? Non, exact. Donc mais ils vont vivre un autre malaise, par contre. Oui. OK, là on va faire comme si la collègue vient de se dire. Ça n'a pas de bon sens. C'est malaise par-dessus malaise. Je pense que j'ai la poisse cette semaine, puis en plus, les examens arrivent. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, on vient d'entendre la chronique. Qui date de un mois, là. Et Gabriel, hier, c'était un match assez en ventre, les verts et les bleus. Hey, c'était une très bonne finale. Pour moi, c'était super serré. C'était serré tout le long, je pense. Oui. C'était ping-pong, pas mal. Exact. Et puis, ben, c'est ça, on a eu le droit à un match super serré entre les deux équipes. Et on a eu plusieurs catégories vraiment particulières. Il y en a une que j'ai particulièrement appréciée, que j'avais pas encore vue à la lutte. C'était un match de type Taxi. Donc, oui. Avec les chaises sur la scène. C'est ça. Donc là, on a un taxi littéralement sur la scène. Donc, un joueur, par exemple, de l'équipe des Bleus était le chauffeur du taxi. Puis là, trois joueurs de l'équipe des Verts venaient chacun leur tour dans le taxi. On a le droit à une chauffeuse de taxi dans les petits Jeeps en plastique avec une batterie. Ouais. Et puis sinon, on a le droit à une religieuse. Moi, ça m'a vraiment fait rire, l'idée de la religieuse qui chauffe pour le bénévolat du Seigneur. Là. Et qui, finalement, un de ses passagers était Dieu, passager éternel. Oui, exactement. Donc, c'était hilarant. c'était très bon. C'était Magali, Boussou-Arcan, de l'équipe des Verts, qui était la conductrice. C'était très drôle. Antoine Lacasse, qui était l'arbitre hier et qui aime le principe de faire un joueur d'une équipe contre les joueurs d'une autre équipe. Là. Souvent, il l'a fait beaucoup quand même hier soir. On a eu Fucker Chien. Fucker Chien, une des préférées de tout le monde. Ouais. La vidéo, tout le monde s'est entraidé dans les équipes. Mais c'est une vidéo, c'est tout le temps super intéressant. Puis moi, en début de match, je trouve que ça casse très bien la glace. Parce qu'en fait, une vidéo, on change de poste. C'est comme si on zappait à la télévision. Quatre chaînes, donc la préhistoire, Préhistoire médiévale, hier. On a eu les années 90, puis les années folles. Les années folles, les années 20. Exactement. Voilà. Donc, les années de la prohibition. Toujours quelque chose de fun. Et Antoine Lacasse, lui, c'est ses premières improvisations. Son échauffement compte pour un point. Ouais. D'autres arbitres comme Maxime Tanguay, lui, ça compte pas. Exact, non, c'est ça. Ouais. Max Tanguay, lui, son échauffement, je pense, de prédilection. Max Tanguay qui sera pas là l'an prochain. Non, c'était son dernier match. Oui. Il y a une semaine, je pense. C'est dommage. Ouais. Mais oui, Max Tanguay, son réchauffement, lui, de prédilection, je pense que c'est un quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Ça aussi, c'est quand même assez le fun. Ouais. Dans le style de, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'impro. Whose line is it anyway? Des quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, là. Peu importe l'endroit, il y a tellement de choses que tu peux pas dire à des endroits particuliers, c'est rigolo. Surtout quand c'est genre le salon funéraire ou quoi. Là. C'est des classiques, ça, là, mais. Il y a moyen de dire ben de la merde au salon funéraire. Notre ami Antoine Lacasse, qui était l'arbitre, comme je disais, qui s'est donné à cœur joie avec les pénalités, qui a quand même affecté le pointage. Ben, il n'en a pas trop donné. Par contre, quand il en a donné, il en donnait toujours beaucoup. Trois dans le même impro. Ouais, c'est ça, exact. D'ailleurs, on a eu deux pénalités de personnel, donc une pour Nadia Tranche-Montagne pour manque d'écoute, soit en début de match. Ça s'est replacé. Oui, le reste, justement, ça a été très bon pour le match. Et puis, en fin de match pour le capitaine des Bleus, Vincent Rainville, pour un cabotinage. Donc, ouais. Ça s'est replacé aussi, c'était en fin de match, donc... Mais là, Mathieu, ça m'amène à te parler de la fin du match. Oui, dis-moi en plus sur la fin du match. Ça soulève les controverses sur les réseaux sociaux. Ah, mon Dieu Seigneur. J'étais le compteur officiel en plus d'être le co-animateur, c'est Mathieu. C'est une des tâches du co-animateur de compter les points, ouais. Ouais, puis étant la personne que je suis, je croyais être à mon affaire. Ouais. Malheureusement. T'as travaillé fort tout le long, on t'a vu. Là, t'étais vraiment studieux là-dessus. Ben, je pensais. Et puis, il y a eu un imbroglio incroyable. Mais ça, c'est un gros moment, là. Oui. C'est un moment important. Raconte-nous ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, non, c'est ça. C'est que moi, je me suis planté sur un comptage, recomptage, recomptage. Donc, il y a eu une improvisation que les Bleus ont été nommés gagnants par le public, ouais. Par les deux arbitres de ligne. Ensuite, les Verts ont demandé, Nadia a demandé un recomptage, ouais. Pour les Verts. Donc, là, les Verts sont sortis gagnants, oui, sur le recomptage. Revirement de situation. Et puis là, les Bleus ont redemandé un recomptage. C'est leur droit une fois par match. Exactement. Genre. Et puis ils l'ont gagné. Donc. C'est revenu aux Bleus et non pas aux Verts. Exactement. Puis moi, dans tout ça, j'ai manqué d'attention. Et puis je me suis trompé. Ouais. Et puis je me sentais comme l'animateur de Miss Universe. Là. Steve Harvey. Oh mon Dieu Seigneur. Pour vrai, je me suis senti débile pendant 2-3 heures. Mais ce qui est spécial, c'est qu'à la fin, parce que bon, il y a eu la fin du match. Oui. On a arrêté après la fin du match. Normalement, on nomme les étoiles et le score. Oui, oui, oui. Là, on a arrêté après le gala. Il y a eu le gala. On y reviendra tout à l'heure. Mais à, oui, la fin du gala, c'était de retour au match normal et on nommait, oui, les grands gagnants, ouais, avec exact, le score. Bon. Donc, on a annoncé les Verts comme gagnants. La foule capote. Nadia Tranchemontagne pleure. Comme évidemment. Eh oui, oui. Nadia Tranchemontagne quand même. Mais finalement, ils n'ont pas gagné. Pas tant, non. Ils ont eu la photo sur la scène avec la coupe. Ouais. Mais, ouais. Mais, ben oui, mais c'est ça qui est très dommage dans toute cette histoire-là. C'est que c'est moi qui me suis trompé. On peut partager le blâme, parce qu'en tant que tel, absolument, il y a un caucus. Moi, ça me dérange pas, Mathieu. Oui, ouais. Mais ça me dérange pas de le prendre le blâme, parce que j'étais la personne de titre au point, puis, bon. Ben, comme je t'ai dit. Étant l'abruti que je suis, je me suis trompé. Donc, ben, la coupe officiellement a été annoncée pour les Verts. Ouais. Cependant, ce sont les Bleus qui ont gagné le match de la finale. Ouais. Et puis, je suis tellement désolé pour les joueurs de ces deux équipes pour cet imbroglio incroyable. C'est ce quiproquo qui n'a aucun bon sens. Ben, ça continue la tradition des finales de la lutte l'année passée. Ils finissent en queue de poisson. Ça finit mal un petit peu. Et on reste aussi dans le domaine aquatique, au moins. Oui, tout à fait. En queue de poisson, tu sais. Tout à fait. Mais bon, on va passer à autre chose. Ouais. Mais les Bleus n'ont pas eu leur photo officielle. Par contre, ils en ont pris une chez au parti de fin d'année. Oui, exact. Chez Frédéric Simon. Donc, d'ailleurs, il y a eu un petit gala entre la lutte où, oui, on aurait mis des petits prix citron. Ben, il y a eu deux galas. Mais il y a eu le gala officiel, le gala mollusque. Le gala mollusque qui était juste après le match. Donc, on avait plusieurs prix. On a commencé par le prix de joueur constructeur avec les nominés Frédéric Bernard, Marc-André Maillon-Flamand et Vincent Rainville. Donc le gagnant fut Frédéric Bernard, oui, qui est joueur des Bleus. Mm-hmm. Joueur sympathique, c'était entre Fred Bernard, Alexandre Zwicky, Alexandre Marchand. Le gagnant était Alexandre Marchand. Ben oui, un de mes joueurs cette année pour les Rouges. Absolument. Très fier de lui. Du côté de la recrue de l'année, les nominés Francis Dugré-Lampron, Marc Lachance et Alexandrine Pichessier. Le gagnant, oui, Francis Dugré-Lampron, celui qui s'est teint les cheveux en vert pour, oui, la finale. Oui, mais Francis, ça a été une super bonne recrue. Puis watchez-vous l'an prochain parce que ça va être un jeune vétéran, oui, mais d'une qualité exceptionnelle. Il va monter autant qu'un Gabriel Béau ou Alexandre Marchand dans les Dieu. Rangs de capitaine, oui, l'année d'après. Je pense que oui. Coup de cœur du public, ça c'est le public qui a voté par les deux demi-finales. Donc les nommés, Marc-André, Maillon-Flamand, Alexandre Marchand et Nadia Tranchemontagne. C'est Nadia qui a gagné. Oui. Elle qui est appréciée par pas mal tout le monde qu'elle côtoie. Joueur par excellence, gros prix. Nommé Frédéric Bernard, Alexandre Marchand, Vincent Rainville, gagnant le capitaine des Bleus, Vincent Rainville. Ben oui. Joueuse par excellence, nommée Célane Dodier-Côte, Vanessa Fortier, Alexandrine Pichessier. La gagnante, celle qui nous quitte cette année, ouais, c'est Vanessa Fortier, oui, qui a gagné ce prix-là. Oui, voilà. Avec qui j'ai joué l'an passé, on a notre nom sous la coupe et puis elle mérite ce titre cette année-là. Est-ce qu'il y a une faute dans son nom sur la coupe? C'est pas gagnant. C'est pas une affaire, il n'y a pas eu une controverse avec son nom à quelque part. Il y a une faute à quelque part? Je me rappelle pas c'est où. Ah, parce que Vanessa écrit avec deux N, en tout cas. Donc ça, c'était le gros gala qu'il y avait à la fin du match. Ah oui. Mais après ça, comme tu l'as dit, au parti de fin d'année, il y avait... On a toujours des petits prix citrons, c'est supposé demeurer secret à l'intérieur de la Ligue. Ceci étant dit, moi, je peux vous adouer que ça m'a remis en question. Je pensais pas être le joueur trou du cul que finalement je suis peut-être. parce que j'ai eu le boss battle. Ouais. Hashtag boss battle. C'est la personne que tu veux pas affronter. Il est trop rude. Trop, trop, il frappe je trop fort. Je sais pas, ouais. Ça a l'air. J'ai eu... le hashtag, oui, le hashtag poker face. Ce qui est complètement ridicule parce qu'on peut te lire, il me semble, non? Ah, mais comme... visiblement, c'est pas tout le monde qui a accès à mon second degré, je pense. Peut-être c'est ça, que toi, Mathieu, t'as réussi à me saisir, mais visiblement... Ton sarcasme et ton... oui, ouais. Mais il semble, puis j'ai déjà entendu ça par, auparavant. Ouais. Les gens me disent tout le temps, on sait jamais si tu niaises. Mais tu sais quoi, on me dit ça à moi aussi, fait que probablement qu'entre personnes voilà, qui font ça, c'est ça, je pense. On a un petit lien, là, tu sais. Oui, et puis j'ai eu, ben là, ça, je pense que c'est entièrement mérité. Je suis probablement le joueur le plus puni de la ligue. le hashtag péno. Ouais. Mais on en a eu quelques-unes dont je me rappelle pas trop, mais il y en a une que j'aimerais souligner en onde. Oui. Le hashtag big badank dank. Big badank dank. Ça, c'est pour la personne ayant. Le Mathieu, manque dans le Mathieu dans le pantalon. Oui, voilà. Le c'est la personne qui a la palourde royale, anciennement c'était appelé comme ça, ou ouais. Cette année le Big Badankadang. C'est le joueur qu'on soupçonne qui a le plus gros, tu vois ce que je veux dire. Plus gros tuyau, tu veux dire. Et voilà. C'est ça. Mais on sait pas, on n'a pas encore et de preuves. Puis laisse-moi te donner un petit tuyau là-dessus. Oui. C'est un de mes joueurs de cette année, dont je suis très fier, avec une chevelure, ma foi, dorée. Et bouclé, Monsieur Alexandre Marchand qui a gagné. Oui, ça. Même chose que l'année passée. Ouais, ouais, ouais. Oui. Donc, le mythe se poursuit. Mais tu te rappelles qui d'autre a été nominé pour ce prix-là? Oui, c'est la de Ducote. Ça a l'air qu'elle a un très bon... strap-on. Oui. C'est ça, on va le dire. Ouais, on va se le dire. On va se le dire. C'est ça. Wow. Donc, les prix Citron, c'est ça, c'était par hashtag. Donc, c'était voulu humoristique. Oui, c'était parce que cette année, c'était notre thématique. Ose la lutte. Hashtag ose la lutte. Hashtag ose la lutte. Tout le monde avait droit à un shooter si j'étais nommé. Ouais, ou gagnant. Et voilà. Voilà. Contrairement à l'année passée, où c'était des jouets qu'on avait achetés chez de la Ramazan. Oui, exact. Ah, puis les prix cette année sont tous très cool. Les prix qui ont été remis, les prix individuels au Galamolus. Props aux élèves de Célan d'Audiécote qui sont en or plastique avec elle. Les prix qu'ils ont remis sont, ma foi, très bons. C'est des bouteilles de vin colorées avec un animal collé dessus sur le bouchon. Oui. Et puis, celui de l'an passé, t'es quand même pas pire aussi. C'était des horloges. C'est très beau. Malheureusement, si on met une batterie dedans, le tic-tac est tellement fort, Mathieu, que moi, j'ai pas pu laisser mes batteries dedans. parce que surtout que j'ai deux prix. Mais ça, c'est l'an passé. Cette année, rien. Absolument rien au vrai gala du mollusque. Non. C'est dommage. Mais avec seulement 6 prix et 20 joueurs... C'est correct. C'est difficile. Mais ceux qui ont gagné les méritent amplement. Absolument. Et comme vous avez vu, il n'y a pas personne qui a gagné 2 prix dans le gala. Exactement. C'est voulu, c'est une règle. C'est seulement un prix par personne. Et ça a donné qu'il n'y en avait pas de doublons. Donc, on est bien content. Donc, tant mieux. Ouais, sinon, il aurait fallu des partages. Et voilà. Donc, voilà, c'était la grosse finale hier soir. Ça veut dire qu'on n'aura plus de match les lundis soirs à 20h. Peut-être cet été, j'espère qu'il va y avoir au moins... Possiblement. Soit une lutte pour emporter ou quelque chose, un petit happening d'impro de joueurs de la lutte. Moi, je sais que ça va manquer. Possiblement. Ça serait très cool. Il y en a qui sont vraiment Mathieu, Montréal, moi, j'aimerais te remercier d'ailleurs pour ton rôle d'animateur. Tu fais ça avec brio. Merci. Pour vrai, puis pour tout, au nom de tous les co-animateurs puis tous les joueurs de la lutte, un très grand merci. T'as fait un super bon boulot. Sérieux, good job. Merci beaucoup. Et moi, je te remercie aussi pour ta participation non seulement dans la lutte, mais à Assemblage Recuit. Ben, Mathieu, c'est un plaisir de se déplacer ici. Et de se donner du trouble avec les enregistreuses. Ah oui, surtout lorsque... On présente une chronique qui date de un mois. Ben non, on n'a pas fait ça. Genre. Ah ouais. Donc, on essaiera d'être tête là-dessus l'année prochaine. Ben là. J'espère que ça va revenir à l'automne. Tu as dit que tu étais ouvert à revenir pour la chronique. Mais j'aimerais peut-être ça. Les chroniques. En tout cas, on s'en reparlera pour l'hiver parce que moi, l'hiver, je risque d'être en stage. Ouais, je vais entrer en stage. Comme l'année passée. Exactement. Ouais. Mais là, tout l'hiver. Tout l'hiver. Donc, là, ce côté-là, ça va être un petit peu plus difficile. Tu pourrais toujours te faire remplacer pour la chronique et faire juste les chroniques enregistrées. Oui. Et mon cœur sera avec vous. Merci. Mais bref, on se revoit sûrement cet automne, Mathieu, parce que j'adore venir ici. Ah, on t'adore tellement fort, Gabriel Bill. Et tu peux revenir cet été quand tu veux dans l'été. Hein, si tu veux revenir à un moment donné, c'est toi. Ah, Scott. C'est vraiment cool. Donc, bisous. Bisous, gros câlin. Et voilà. Amico. Oui, c'est ça. No homo, comme on dit. Alors, Gabriel Béoud, de la Luitre, merci. Salut, Mathieu. Salut. À bientôt. Donc, c'était Gabriel Béoud et nous, on s'écoute une petite pièce musicale. Pourquoi ne pas y aller avec ça? On va y aller avec Anatole, qui est du côté francophone dans les palmarès Sifu. Et puis, l'extrait que je vous présente, ben, c'est celui qui est sur le palmarès francophone, Anatole, avec... J'ai pas personne pour m'aider aujourd'hui, Anatole. Discolin, voilà, tout de suite. à Assemblage Rocky. Sur ce. Étoile, tu boulevard. La formation Anatole et la pièce Discolin à Assemblage requis. Au retour de la pause, ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 19 avril, pour la semaine du 18 avril 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine parce qu'elle a un problème de clavicule. Hein? C'est ça. On lui souhaite un prompt rétablissement, comme toujours, en fait. Tout le temps quelque chose. Donc, du côté anglophone, tiens, je vous propose une pièce du palmarès en 19e place. C'est Black Mountain avec Florian Saucer Attack. Et ça commence tout de suite à Assemblage requis. Black Mountain et Florian Saucer Attack du côté anglophone dans le palmarès en 19e position. Maintenant, toujours à Assemblage requis, c'est le moment de s'acheter des gadgets sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets à acheter sur Internet et à regretter instantanément. Et aujourd'hui, on a plein, plein de bonnes choses. J'ai préparé deux blocs de ça, donc on va en avoir pour plus tard dans l'émission aussi. Donc, commençons avec une façon d'ajuster vos stores. Automatiquement, en fait, ça fonctionne par le solaire. Hein? Donc, Solar Powered Blind Adjuster, c'est le nom de ce premier gadget dans notre chronique. Ça existe, ça ne devrait pas. On l'a. Hein? Ah ouais, Internet. T'es capable. Ah, toujours un petit temps d'attente après ça, c'est le fun. Ah, rien. Est-ce qu'on commence avec autre chose? On va aller avec un couteau à barre qui réussit à tenir lui-même debout. Tiens, pour garder votre table et votre comptoir bien propre, c'est le Balancing Butter Knife qui va automatiquement se tenir debout sur son derrière lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc, pour utiliser ce couteau à beurre en acier inoxydable, on n'a qu'à l'installer sur la table et sa base ronde va l'empêcher de tomber. Donc, dans le fond, c'est le si on a la lame d'un côté et le manche de l'autre côté, le manche a lui-même une genre de toupie inversée qui a un poids à l'intérieur et ça tient debout tout le temps. Le seul désavantage, c'est que tout le monde va vouloir le frapper un petit peu comme un clown en ballon pour essayer de le faire tomber, mais ça donne un petit plaisir de plus à la table. Ensuite, on dirait qu'il veut... Il charge les affaires de la fin en premier. Internet, c'est bizarre. Le prochain, c'est un jeu à la table. Encore une fois, continuons dans la même thématique des jeux à la table. C'est le Basketball Hoop Mug pour encourager les enfants à jouer avec leur nourriture et leur boisson préférée ou leur céréales le matin avec cette tasse spéciale en céramique avec un panier, lui aussi en céramique. Donc, un panier de basketball, c'est ça. C'est parfait pour lancer peut-être des guimauves dans le chocolat chaud ou peut-être des guimauves dans vos céréales, des trucs comme ça, des petits raisins secs, peu importe, dans ce que vous voulez, ou même dans la crème glacée peut-être. 30$ pour cette tasse, basketball hoop mug. Ensuite, c'est un outil pour mieux faire griller vos guimauves sur un feu. C'est la Campfire Fork Attachment. Donc, cuisez vos affaires à perfection sur la flamme en les piquant avec cette fourchette. Donc, à la place de passer votre guimauve dans une branche sale, la branche elle-même va rester comme elle est, mais le petit gadget en métal vient s'attacher, ou en peu importe en quoi c'est, mais qui vient s'attacher au bout de la branche. Et puis, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur le dessus d'une bouteille de vin, des fois, là, en genre de métal ou en aluminium. Et ça tient avec deux petites pins sur les côtés, ça ressemble un petit peu à des bouts de trombone. Et là-dessus, tu attaches les deux guimauves, donc les guimauves ne toucheront pas à la branche en tant que telle. Pas de saleté, c'est beaucoup plus hygiénique pour faire griller peut-être vos hot dogs et vos guimauves. 15$ pour ce Campfire Fork Attachment. Le prochain, c'est un bar flottant pour votre piscine. Préparez vos cocktails délicieux sans avoir à sortir de l'eau avec Floating Drink Bar dans votre piscine. C'est fait pour tenir 8 verres ainsi qu'un pichet dans le milieu. Design assez plastique quand même qui ne devrait pas tomber sur le côté lorsque vous prenez un verre. Dans le fond, il y a un poil dans le milieu. C'est pas en enlevant un verre d'un côté que ça va faire descendre l'autre côté. Donc c'est quand même super pratique et chacun des trous fit avec la plupart des verres et la plupart des pichets entrent dans le trou du milieu. Quand même assez profond, tout ça tient vraiment... c'est comme une espèce de iceberg, je vous dirais. Et puis ça s'appelle... C'est sur Amazon.com, en passant le Texas Recreation Ultra Lazy Bar. Et puis, c'est vendu à environ 80$ US. Une carte de fête qui sert aussi de shooter. Pour une carte qui se transforme en verre de shooter. Pourquoi pas? Parfait pour les soirées entre amis où vous voulez célébrer la fête de quelqu'un en commençant à le saouler le plus rapidement possible avec de l'alcool fort. Donc, un design unique, une carte de novelty qu'on appelle, qui permet à vos amis de découper et plier la carte en petits shooters de carton, de papier qu'on peut utiliser pour prendre ces shooters. Donc 5$. Ce qu'on va faire, c'est la carte, quand tu l'ouvres, il y a sur le panneau de droite un rond avec des pattes sur les côtés. Donc tu punch out, qu'on dit le shooter. Donc tu, avec les pointillés, tu vas enlever le milieu du carton. Tu vas plier comme les instructions te le disent. Ça, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, boire. Hein? Donc 5$ pour l'ensemble, c'est sur Etsy. C'est pour un verre, 6,50$ canadien, fait à la main. Avec amour et compassion, disent-ils. Ensuite, hands free, les mains libres, c'est pas seulement pour appeler, c'est aussi pour nourrir vos bébés. Hein? Donc, maman et papa savent que tenir son bébé et le nourrir à la poitrine ou à la bouteille, c'est une tâche qui demande deux mains. Ou en tout cas, c'était le cas jusqu'à maintenant. Bebo Hands Free Bottle Holder est un gadget facile à utiliser qui vous donne une troisième main ou presque. Donc, c'est fait de matériaux qui sont parfaits pour bébés. Donc, c'est sans BPA, sans plomb, sans phtalate. Le gadget va s'équilibrer confortablement sur l'épaule et c'est fait pour à peu près n'importe quelle bouteille de bébé. Ça peut se tourner, faire une rotation pour trouver l'angle parfait Et ça vous libère les mains pour d'autres tâches comme lire un livre, taper à l'ordinateur, etc. C'est disponible en trois couleurs pour le prix de 40$ américains. Donc c'est vraiment une sangle que t'as par-dessus l'épaule avec un poids en arrière et à l'avant t'as une espèce de grosse demi-sphère, on dirait une poitrine, mais avec à l'intérieur une fente. Et dans la fente, tu peux insérer la bouteille de bébé. Et puis donc ton bébé boit sans que t'aies à tenir la bouteille. Ensuite, pour continuer votre barbecue plus longtemps, c'est le Smart Gas Watch. Hein, il fait de plus en plus chaud, l'été est pas mal là, je pense qu'on peut dire que c'est arrivé, et les gens qui aiment le barbecue sortent leur grill et se demandent est-ce qu'il reste assez de propane dans le tank. Vous n'aurez plus à vous le demander avec le Smart Gas Watch, qui est une pesée de tank propane qui utilise le Bluetooth pour communiquer avec votre téléphone cellulaire. Ça mesure le poids de la tank pour déterminer la quantité de propane qu'il vous reste finalement. Smart Gas Watch fournit aussi un estimé de la durée de cuisson que vous allez avoir avant qu'il n'y ait plus de gaz à l'intérieur. Et ça va vous alerter lorsqu'il reste seulement 10% de liquide, donc vous n'aurez jamais à vous demander, à vous poser la question. Un Smart Gas Watch, c'est un projet sur Indiegogo qui va être disponible avec une application Android et iOS. On peut backer le projet pour 35$ sur assemblagerequis.com et on estime que ça va être envoyé en septembre si le projet a du succès. Sur la page Indiegogo, en ce moment, ils sont rendus à 26 267 sur 25 000. Donc, ils ont réussi de peine et de misère à arriver juste au-dessus de leur limite. Et c'est terminé depuis le 8 juin 2015. Donc, ça devrait être shippé bientôt. Ensuite, c'est le Hyper Chiller Coffee Maker qui fait du café glacé en moins d'une minute. Tu sais, des fois, dans les bars, dans les cafés, quand la journée est bien occupée, ça peut être long d'avoir un café glacé. Et des fois, ça peut vous coûter cher aussi si vous en buvez beaucoup. Je suis un fan de café glacé, les vrais cafés faits avec du vrai café et de la vraie glace. Et j'aimerais pouvoir avoir ce gadget-là et peut-être que je vais pouvoir me le commander, le Hyper Chiller. Pour faire un café glacé, c'est pas si simple que ça. Hein. On fait du café, donc on le verse sur la glace. Et là, après ça, tu vas faire fondre les cubes. Ça va diluer le café, ça va le rendre un petit peu trop faible. Ou encore, tu peux le faire très, très concentré avec de l'espresso. Peut-être un triple espresso. Mais ça peut-être mettre trop ou pas assez de glace. Ça va faire la mauvaise concentration. Ou encore, tu peux faire refroidir ton café pendant la nuit, donc qui a ce temps-là dans la vie. C'est ce que la compagnie nous dit. Le Hyper Chiller Coffee Maker vous permet de refroidir votre café chaud en aussi peu qu'une minute. Et on peut ensuite verser ça sur de la glace et pas avoir à s'en faire avec que ça va se diluer. Hein? Non, ouais. On peut aussi mettre le chiller dans le congélateur, toute la nuit. Et une fois qu'on met le café chaud à l'intérieur, la surface va exposer plus de votre café au mur gelé, ce qui va faire refroidir le liquide de 130 degrés Fahrenheit en moins d'une minute. Ça coûte 30$, ça m'intéresse super gros, le Hyper Chiller. Pour elle, et en plus, c'est bon. Ça a l'air de faire du café tellement bon! Ensuite, un bracelet à la caféine qui va vous libérer de l'horreur de boire du café pour ceux qui n'aiment pas le café. Les entrepreneurs cherchent toujours une façon de nous remplir de caféine sans avoir à boire le café. Il y a des pilules, il y a plein d'autres affaires, du spray de caféine, il y a de la gomme à la caféine et plein d'autres choses. Mais là, il y a une compagnie qui veut faire de votre habitude de boire la caféine pour que ça devienne un peu plus un article de mode avec un bracelet caféiné qui s'appelle le Joule. Donc l'idée d'un accessoire caféiné a l'air un petit peu bizarre, nous dit l'article de mentalfloss.com. C'est sur le même principe qu'un patch de nicotine. Il y a un patch à l'intérieur du bracelet qui va contre votre poignet et ça absorbe la caféine par la peau. Donc c'est un projet de sociofinancement pour Joule qui promet tous les aspects positifs de votre café ou de votre boisson énergisante sans les aspects négatifs. Donc entre autres, foncer dans un mur éventuellement quand ta caféine arrête de faire effet. Donc un patch pour la peau de Joule a environ la même caféine qu'une tasse de café, mais c'est pas donné. Donc ça va pas. Attends un peu. Oui, c'est ça. Donc c'est dispersé également pendant 4 heures. Donc ça y va graduellement. Et le boost de caféine ne créera pas de problème d'acidité dans votre estomac comme le café peut le faire des fois. Ça va pas non plus vous envoyer à la salle de bain comme le café a tendance à le faire. Ça a pas de calories et ça va pas faire jaunir vos dents comme le café le fait. Donc il y a pas mal d'aspects positifs et pas du tout d'aspects négatifs. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effets secondaires. Un expert en nutrition a dit à Outside que les patchs de caféine vont frapper votre système plus rapidement et vont être absorbés à travers votre peau plus rapidement que si vous le buviez. Et le fait que ça n'a pas à passer par votre système digestif peut faire que les effets de la caféine vont être plus prononcés. Donc, si vous aimez votre pep de caféine, mais que vous êtes paranoïaque par rapport aux autres aspects, comme on a dit, les problèmes d'estomac et les problèmes de dents, le patch pourrait être une bonne façon de le faire, mais allez-y avec peut-être un petit peu plus calmement, en prendre moins souvent que vous prendriez des cafés. Voilà. Un Joule kit de démarrage, 29$ chez Indiegogo. Ils ont dépassé leur budget. Ensuite, la boîte à lunch intelligente pour économiser de l'argent en faisant votre propre dîner. Évidemment, on sait que la cafétéria, ça coûte toujours très très cher. J'en suis la première victime. Donc, à part isoler votre nourriture pour qu'elle soit plus fraîche plus longtemps, il y a aussi une série de contenants à l'épreuve des fuites qui peuvent être mélangés ensemble. Donc, ça ressemble un petit peu à un coffre à crayons. C'est un genre de prisme rectangulaire. Non, prisme avec les côtés arrondis. Je dirais, ça ressemble même à... Pour ceux qui se rappellent, une boîte à pain. C'est comme vos grands-parents avaient une boîte à pain. Ça ressemble un petit peu à ça. À l'intérieur, t'as des bols qui sont à l'épreuve des fuites, comme je disais, et eux s'emboîtent les uns dans les autres, un peu comme un puzzle. Tu sais, le puzzle où tu dois essayer de faire sortir un... de remettre en l'ordre, dans l'ordre alors qu'il y a comme un coin qui manque. Tu sais, le petit carré bizarre, là, le puzzle. Bref, ça ressemble à ça. Il y en a de différentes grandeurs. Ça coûte 50$ pour l'ensemble de départ. Donc, ça s'appelle Smart Lunchbox. Lunchbox, oui, sur Kickstarter. Non, le nom, c'est Prep Pack. P-R-E-P-D. P-A-C-K, voilà. Vous pouvez le précommander en ce moment sur la page Kickstarter. Ensuite, c'est des paniers de magasinage, d'épicerie, qui sont réutilisables et qui se rangent dans le panier lorsque tu arrives à l'épicerie pour classer par catégorie, par exemple. Donc, pour empêcher de faire un gros dégât dans votre panier, vous allez avoir besoin de l'aide de ces petits sacs réutilisables, heavy duty, qui sont faits pour organiser vos trucs et faire que ce soit plus facile de les prendre pour sortir une fois que vous quittez l'épicerie. Donc, évidemment, quand vous mettez vos produits dans le panier, il va après ça falloir les sortir du panier pour les passer à la caisse. Mais une fois rendu à la caisse, s'il n'y a personne pour vous aider, vous pouvez vous-même remettre les affaires dans les bons paniers et après ça, les ramener. C'est des sacs qui tiennent avec des barres sur le dessus. Donc, il y en a de différentes couleurs et la barre sur le dessus empêche le sac de tomber dans le fond du panier. Donc, ça va faire un peu comme un classeur de dossiers ou de fichiers, une filière si on veut. Donc, bon, tu pourrais mettre les légumes dans une case, tu pourrais mettre le vin, l'alcool, le lait dans une autre case, bon. On comprend le principe, ça coûte 160$ pour l'ensemble sur Amazon. C'est un système de 4 sacs de magasinage réutilisables. Ça s'appelle les Official Trolley Bags. Voilà. Ensuite, on revient au café avec les Coffee Bean Cookies. Un petit peu plus d'énergie pour le matin, un petit peu de sucre et de café en même temps pour vous divertir à votre réveil. Chaque biscuit est garni d'un mélange de pépites de chocolat et de grains de café Dark Roast. Donc, parfait pour les amateurs de café et de dessert en même temps. C'est disponible sur Etsy. C'est fait à la main, comme toujours sur Etsy. Réalisé sur commande. Expédition seulement vers les États-Unis pour l'instant, mais on pourrait, s'il y a de la demande, commencer à l'envoyer ailleurs. Ailleurs, ça coûte 12,36 $ canadiens dans la boutique de Sweet Rose Bakery. Système de bière en fût. Physics, F-I-Z-Z-I-C-S, c'est le prochain gadget. C'est le goût de la bière en fût de n'importe quelle, dans le fond, provenant de n'importe quelle bière que vous achetez en magasin, mais ça la transforme en bière en fût. Apparemment, que ça change un petit peu le goût. Donc, c'est le physics, comme je disais. Après avoir placé la bière à l'intérieur, vous tirez sur le levier pour vous verser une Frosty Ale, n'importe quelle bière sensationnelle que vous préférez. À 170$, ça ressemble à une cafetière. Rien de plus difficile que ça. Physics Beer System. Ça dit donc un goût de fût provenant de n'importe quelle bière achetée en magasin. Ça fonctionne avec la plupart des canettes et des bouteilles, même les grosses de 64 onces. On n'a pas besoin de canisses de CO2 ou de nitro ou peu importe. Là. Ça fonctionne avec 4 batteries 2A. Qui ne sont pas incluses. Ensuite, est-ce que vous vous brûlez des fois sur votre tasse? Ça peut arriver, hein? Si vous avez trop hâte de boire votre thé chaud, votre café chaud, peu importe, vous vous brûlez la langue. Non, moi, c'est mon genre. Je prends tout le temps une gorgée un petit peu trop tôt. Donc, le Glentop LED Temperature Display Electric Stainless Steel Intelligent Smart Coffee Cup, accrocheur quand même, utilise des indicateurs LED pour vous illuminer la température présente dans la tasse. Donc, entre 122 et 203 degrés Fahrenheit ou 50 à 95 degrés Celsius. Donc, ça vous dit la température du breuvage à l'intérieur. C'est fait de plastique et de silicone avec de l'acier inoxydable aussi. Ça peut contenir 280 ml. La tasse est sur Amazon pour 27,83$. En plus, c'est super joli. Une petite tasse blanche avec le milieu en silicone avec les lumières LED qui apparaissent dessus. L'intérieur est en stainless steel pour conserver la chaleur plus longtemps. Et ça vient dans une petite soucoupe en forme de genre de morceau de chocolat, je sais pas trop quoi. C'est vraiment joli. Ensuite, c'est un système pour faire cuire vos nouilles ramen plus rapidement. Préparez vos repas à base de nouilles en une fraction du temps en les faisant dans votre Rapid Ramen Noodle Cooker. C'est donc un bol qui va au lave-vaisselle qui est fait pour parfaitement faire entrer un bloc de nouilles ramen et les faire cuire en moins de 3 minutes. 7$ sur Amazon.com. Donc le Rapid Ramen Cooker. Ça a l'air d'être un produit vu à la télé, mais ce n'est pas marqué dessus vu à la télé. Donc c'est, peut-être qu'on peut y faire confiance plus que les produits vendus à la télé. Hein. Parfait pour les micro-ondes, donc ça fait cuire les nouilles en la moitié du temps. Difficile. Fabriquez vos propres popsicles à la maison avec les Frio Pop Bags. Hein, ça coûte cher les popsicles quand on achète trop souvent pour ces amateurs de sucre avec éléments artificiels. Donc on peut faire des popsicles à la maison avec les Friopop. Friopop, oui. Donc c'est des sacs de plastique en forme de popsicle qu'on remplit de peu importe ce que vous voulez à l'intérieur. Et après quelques heures au congélateur, on peut déballer et savourer. Ça vient en une seule grandeur, 8 onces. Si vous voulez des plus petits, évidemment, vous pouvez peut-être les remplir moins ou les couper en deux. Hein. Et voilà, donc c'est 7$ pour 100 Friopops. Ça peut vraiment valoir la peine. J'en vois un ici qu'ils ont rempli de, j'imagine, d'eau et de tranches ou de pointes de lime. Hein? L'autre, c'est de l'eau et des fraises, je crois, ou des cerises. Donc, ça pourrait être une bonne idée de pouvoir mordre dans une cerise congelée. Moi, je serais preneur pour ça. Ensuite, c'est une planche à découper qui va par-dessus l'évier. Tu sais, quand tu coupes des affaires, tu as des dégâts partout sur le comptoir et tu dois nettoyer le comptoir après. Pourquoi ne pas te sauver quelques étapes avec vraiment une planche à découper en plastique qui va par-dessus l'évier, donc d'un côté à l'autre. Les côtés sont, en caoutchouc, en quelque chose comme ça qui empêche de glisser. Et du côté gauche de la planche, tu as un petit un trou en ovale avec par-dessus un bol avec des trous, ok? Un bol en plastique ou en silicone. Et quand tu as terminé de couper sur la partie de droite tes légumes, tu peux transférer tes légumes dans le compartiment de la gauche et ça va faire tomber l'eau à l'intérieur du lavabo et tu t'élimines un paquet de troubles de nettoyage. Parfait pour les fruits et les légumes, peu importe ce que vous voulez couper, ça va au lave-vaisselle, ça vient avec des côtés comme j'ai antidérapant. Avec, oui, ben c'est bien en silicone pour l'espèce de tamis du côté gauche avec une capacité de 2,5 quarts. Donc c'est 30$ américains pour cette planche à découper qui est sur Amazon. Ça s'appelle la Dexas DEXAS Over the Sink Strainer Grip Board. Ensuite, dites au revoir à votre éponge qui sent mauvais. Il y a quelque chose dans la cuisine qui est particulièrement rempli de microbes et c'est en effet l'éponge que vous utilisez pour laver votre vaisselle. C'est une des surfaces, un des objets les plus dégueulasses dans votre maison, certainement. Donc, humide, poreux, ça fait proliférer les microbes, les organismes microbiologiques. Donc, après avoir réfléchi à ça, bien sûr, vous allez vouloir remplacer votre éponge par le Kuhn Rikon Stay Clean Scrubber. Comparé à d'autres éponges typiques de la cuisine, ce gadget pour la cuisine donc, est fait d'un silicone non poreux et food safe, donc qui est correct pour toucher à la nourriture, qui se sèche très rapidement. Ça nettoie avec 5000 petits bouts de silicone, donc des, comment on appelle ça, comme une brosse à dents, des filaments. Filaments, 5000 filaments de silicone qui fait contact avec les surfaces de la cuisine va enlever les débris facilement. Si c'est sale, fait mettre ensuite au lave-vaisselle, ça va résister jusqu'à 500 degrés Fahrenheit, c'est 100 BPA. Aussi, on peut l'utiliser pour enlever les poils de tissu, par exemple. C'est comme les éponges qui sont faites pour ça, là. Donc c'est le même principe pour la vaisselle que pour les tissus. Donc le Kuhn K-U-H-N Rikon R-I-K-O-N Stay Clean Scrubber disponible chez Kuhn Rikon et sur Amazon. C'est disponible en plusieurs couleurs pour 8$. Vous pouvez visiter assemblagerequis.com pour le lien. Ensuite, une grosse tasse qui ressemble à un sippy cup pour les enfants, mais pour adultes. Tu sais, les enfants, quand ils boivent dans une tasse avec deux poignées, une de chaque côté, ils peuvent renverser leur verre à terre et ça fera pas de dégâts. Et après ça, quand tu inspires, ça fait tomber le liquide. C'est un peu le même principe, mais pour les adultes. Donc, c'est le Hangover Cup. C'est un super gros sippy cup à 15$ pour les adultes qui ont trop bu le soir d'avant. Donc, on peut mettre un litre de liquide à l'intérieur. Parfait pour se faire des cocktails alcooliques ou encore des boissons pour dégriser après une soirée comme celle-là. Donc, il y a une valve à l'épreuve des fuites. Ça peut contenir des liquides chauds ou froids. C'est facile à plier les poignées sur le côté. Ça vaut la vaisselle sans BPA et capacité d'un litre, comme je l'ai dit. On n'a pas le prix là-dessus. Oui, 15$, je l'avais dit tantôt. Donc, Hangover Cup, voilà. Ensuite, c'est une chandelle à odeur ou à fragrance de céréales, donnant à votre maison une atmosphère ultra évitante et peut-être même matinale de fin de semaine, dans mon cas pour les céréales, avec une chandelle de cire de soya fabriquée à la main, qui vient avec une tige de coton à l'intérieur d'un pot élégant avec l'arôme du Capitaine Crunch. Pour 8$, c'est sur Etsy, 10$34 canadiens, fait à la main, avec un pot en vitre. Tout ça, comme j'ai dit tantôt, coton et soya et de l'huile de fragrance de Capitaine Crunch. Continuons avec le Liquor Picker. C'est des cure-dents avec infusion d'alcool. Tania aime beaucoup les cure-dents. À cafétéria, elle se prend un cure-dent à chaque jour. Elle est une fanatique de cure-dents, on dirait Lucky Luke dans les bandes dessinées plus récentes. Donc, les cure-dents, c'est bien pratique. Par contre, c'est un petit peu plate parce que ça goûte toujours le bois. Sinon, la menthe, sinon la cannelle, mais quand même. Donc, les Liquor Picker Toothpicks sont faits à la main avec de l'alcool, de la liqueur, une infusion d'alcool à l'intérieur des, de ces cure-dents qui viennent dans une flasque de métal qui sert aussi de porte-clés. C'est fait sur commande par des bartenders d'expérience avec du bois White Birch à 100%. Saveur organique, biologique, ingrédients naturels de fournisseurs locaux. Plusieurs saveurs, donc tu as du Aged Barrel Bourbon, du bourbon de 20 ans. Tu as le Hot Fireball Cinnamon Whiskey, donc du whisky à cannelle. Dirty Martini, Buttery Nipple au beurre. Vodka Lemon Drop, vodka et citron. Bourbon Pecan, donc pecan et bourbon. Cheddarwood and Vanilla Burnt Brandy, donc du brandy à la vanille. Isley. Whistley, Single Malt Scotch, du Scotch de 15 ans, du Jägermeister mélangé avec du gin et du jus, et un Cappuccino Peppermint Schnapps. Voilà, donc c'est pas mal de saveurs de cure-dents, vous pouvez changer à chaque jour, jamais la même saveur, et la petite flasque là, pour contenir les cure-dents est pas mal cute, merci beaucoup. Vous pouvez utiliser votre iPhone pour contrôler n'importe quel appareil qui fonctionne avec des piles 2A avec un seul adaptateur à 10$. C'est la Tethercell AA Smart Battery Adapter. Une très bonne idée. Donc, on remplace une des piles 2A d'un appareil comme une télécommande avec l'adaptateur qui va prendre une batterie 3A. Donc, on se comprend que tu enlèves une batterie 2A dans ta télécommande. Tu remplaces ça par une batterie 2A dans laquelle tu mets une batterie 3A. C'est comme un adaptateur. Okay? Tu remets ça dans la télécommande et ensuite, tu peux allumer et éteindre l'appareil avec ton iPhone. Ça fonctionne par Bluetooth LE, donc la version qui prend moins de batterie, et non par Wi-Fi. Donc le range est assez limité, on dit entre 50 et 60 pieds de distance. Mais si l'appareil est assez proche, c'est une façon relativement peu chère et assez facile d'ajouter une fonctionnalité de remote control ou de commande à distance. C'est compatible avec les iPhone 4S et plus. Et l'adaptateur coûte 20$ pour 2 sur Amazon. Ensuite, c'est des bouchons pour les oreilles à haute fidélité qui s'appellent les Vibes. La musique forte va éventuellement endommager ton ouïe. Hein? Donc, porter des bouchons de mousse va évidemment empêcher un petit peu la clarté du son et ça va empêcher la musique de bien entrer dans vos oreilles, ce qui est un petit peu plate. Ça défait un petit peu la raison d'aller voir un concert de musique, par exemple. Donc, les Vibes High Fidelity Earplugs à la place vont promettre un niveau de décibel moins élevé dans votre environnement sans avoir à changer le son. Le spectrum auditif. C'est beaucoup moins cher que des bouchons qui sont faits personnalisés pour votre trou d'oreille et ça va quand même rester en place grâce à plusieurs embouts. Ça va réduire le niveau de son d'environ 22 décibels via un filtre acoustique et un tube intérieur. C'est aussi réutilisable et relativement subtil dans l'oreille. Le son devrait être assez cristallisé, donc assez clair et ça sort après à peine un petit peu de votre oreille. Et en plus, il y a un petit... de l'autre bord de l'embout, le bord qui sort de votre oreille, il y a un petit... un petit bosse pour pouvoir tirer sur le bouchon pour l'enlever plus facilement de votre oreille. Une paire sur Amazon coûte 24$. C'est vraiment pas si cher que ça, 24$. Américain, bien sûr. Ensuite, on va se coucher avec le Lucid Dreaming Supplement. Devenez maître de vos rêves en prenant le contrôle de ceux-ci avec un supplément pour faire des rêves lucides. Ça a l'air un peu étrange comme ça, un supplément qui utilise une approche. Donc, on utilise deux pilules par nuit. Et ça aide à votre corps à se rendre dans une condition idéale pour faire des rêves lucides et améliorer le rappel que vous allez avoir, donc le souvenir de vos rêves. Ça dit Dreamleaf, a smarter way to lucid dream. Donc, rêve lucide, se rappeler de ses rêves et un sommeil équilibré sont les trois avantages qu'ils disent pour Dreamleaf. Donc, L-E-A-F, comme une feuille de rêve, 30$ chez Amazon, en dollars américains. Et le gadget que j'étais supposé utiliser au début de la chronique, le voilà arrivé, c'est les Solar Powered Blind Adjuster. Donc on peut maintenant automatiquement ajuster les stars basés sur la lumière extérieure, sur la température ou encore sur un horaire prédéterminé. En utilisant cet ajusteur de stars qui fonctionne par énergie solaire. Ça s'installe en trois étapes faciles et c'est fait pour fonctionner sur les stars qui sont à l'horizontale ou à la verticale. Ça s'appelle le Flip Flick. FLIP, FLIC sur Kickstarter. Ils sont largement au-dessus de leur but qui était de 50 000 $. Ils sont rendus à presque 71 000 $. Il reste encore 24 jours. Donc, ça rend vos stars intelligents avec le Flip Flick. Voilà. Tous les liens sont sur rassemblagerequis.com pour cette chronique de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. On s'en va entendre une autre pièce, nouvelle entrée du palmarès francophone. On l'a écouté la semaine passée, on a écouté toutes nos nouvelles entrées, mais à un moment donné, il faut bien se les mettre à l'oreille un petit peu. Donc, la revoici. C'est celle de Phare qu'on s'en va entendre. Non, de Emerald, le groupe. Voici la pièce Phare à Assemblage Requis sur ce. gentil pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fait. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis, ce mardi 19 avril pour la semaine du 18 avril 2016. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine parce que là, malala calcul. Vous allez se faire puncher ça, je pense, un petit coup de poing sur l'épaule. Plang. Dans quelques instants, on va continuer avec une deuxième partie de Ça existe, ça ne devrait pas là. Dans une demi-heure environ, on va avoir Véronique Mir et sa chronique du dictionnaire. On est rendu à la lettre A, elle va terminer ce dictionnaire pour la dernière fois. C'est plate, mais elle va revenir avec d'autres choses plus tard. Donc pour l'instant, on écoute une autre nouvelle entrée du palmarès. Du côté francophone, voici Bolduc tout croche et avec toi. Sur C'est fou, dans 11 ans. Bolduc tout croche avec toi. Assemblage requis qui est en position numéro 6 du palmarès francophone. Maintenant, c'est le moment de retourner dans l'arrière-boutique chercher d'autres gadgets si ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. C'est une deuxième portion pour aujourd'hui de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des gadgets sur Internet. Commençons avec le June Oven, qui est un four intelligent. Oui, toujours, tout était intelligent en 2016. Hein? Donc, le plus récent appareil, le June Oven, est un appareil connecté qui vous permet de faire cuire un repas avec des sensors, des thermomètres, des caméras HD et une application Companion. Donc, non seulement le June a 6 carbon fiber heating elements, donc des éléments pour chauffer en fil de carbone, qui chauffent plus rapidement et plus efficacement que les machines similaires. C'est aussi 2 ventilateurs pour faire circuler l'air chaud et garder la température égale partout dans l'appareil. Ça a une probe de température intégrée, une caméra HD qui reconnaît les nourritures les plus populaires et une pesée numérique intégrée. Il y a aussi un processeur NVIDIA Tegra K1 Quad-Core ARM Cortex A15 2.3 GHz qui fait les calculs qu'il vous faut pour avoir la meilleure cuisson possible et un contrôle avancé de la température. Donc un module Wi-Fi se connecte à votre réseau et vous permet de contrôler l'appareil de n'importe où, ce qui veut dire de la meilleure nourriture préparée plus facilement. Et pour quelque chose aussi high-tech, il va falloir être prêt à sortir votre argent à 1495$ avec un dépôt de 60$. Ça va être envoyé très bientôt au printemps 2016. Ensuite, c'est le Rockbox Portable Stone Bake Oven. Donc, on reste dans le domaine des fours, qui va vous faire cuire une tarte ou une pizza en moins d'une minute et demie. Hamburger, hot dog, kebabs, shish kebab. C'est parfait pour les barbecues, mais c'est rare qu'on voit quelqu'un faire de la pizza à l'extérieur. Hein? C'est parce que mettre une pizza sur un grill normal pourrait ne pas vous donner les meilleurs résultats à cause de comment ça cuit. Mais si vous remplissez le Rockbox d'une pizza, là tout change, nous dit l'article de Gizmo.com. Un design innovateur avec une pierre à l'intérieur et un brûleur à l'arrière qui est fait exprès pour fonctionner avec du gaz ou du bois. En 15 minutes, on peut avoir un four donc à 500 degrés Celsius, 932 degrés Fahrenheit, ce qui peut amener votre pizza de complètement cru à complètement cuite en 1 minute et demie. La section à l'extérieur est couverte d'un environnement de silicone qui va vous permettre de toucher à ça sans vous faire mal. Et puis c'est la seule... Il n'y a pas seulement des pizzas qu'on peut faire dans le Rockbox. En fait, ça peut faire des pains, du poisson. Ça peut rôtir des viandes, des légumes, des desserts et beaucoup plus. C'est portatif, ça pèse 44 livres ou 20 kilos. C'est portatif, quand même pas léger non plus. Mais pour ce que ça fait, ça pourrait être intéressant. Et ça coûte $541 américains, 349 livres. Ce qui n'est pas ultra cher pour ce genre de four-là, apparemment. Donc c'est le Rockbox Portable Stone Bake Oven ROCC-BOX. Voilà. Ensuite, une coupe de vin sur la plage. Tantôt, on a fait tremper nos verres dans une espèce de iceberg qui tenait vos boissons et un pichet d'eau ou d'alcool, peu importe, dans votre piscine. Maintenant, c'est une coupe de vin sur la plage avec le Beach Glass. Tout ce que c'est, en fait, c'est une coupe de vin, hein, quand même, avec un petit truc qu'on va planter dans le sable. Un design assez simple, quand même. Donc, ça coûte $10.50 pour une seule. Donc le pic se plante dans le sable et sinon tu peux aussi le faire le mettre dans la piscine aussi, ça va flotter. Il y a comme une pesée, donc dans le fond ça fait comme t'as le pic en bas de la tige, au milieu de la tige c'est un poids et au-dessus t'as la coupe en tant que telle. J'espère que je l'explique de façon claire un peu là. $10.50 pour une seule coupe, je trouve que c'est cher pour une, il aurait dû avoir au moins un emballage de deux avec ça. Ensuite c'est le Utensil Mate. Si vous aimez vraiment votre sauce piquante, c'est qui? C'est Hillary Clinton qui a dit récemment en entrevue qu'une affaire qu'elle avait toujours dans sa sacoche était de la sauce piquante. Elle parlait à des gens noirs et apparemment que c'est du pandering pour les gens noirs de se faire dire qu'elle aime la sauce piquante. C'est comme Donald Trump qui dit « Mon livre préféré, c'est la Bible, c'est du pandering. » On essaie de plaire à son public, donc elle a dit qu'elle aimait la sauce piquante. Si vous aimez ça ou si vous êtes peut-être Hillary Clinton à l'écoute en ce moment, vous avez besoin de Utensil Mate. C'est un gadget absolument unique qu'on installe sur une cuillère ou une fourchette, peu importe l'ustensile, ça peut être une spork, j'imagine, en utilisant des aimants. Et ça va livrer une dose de sauce piquante en appuyant sur le levier sur le côté. Donc à chaque bouchée, vous allez pouvoir remplir facilement votre petit gadget attaché à votre cuillère de nouvelles sauces piquantes à chaque fois. Et tu tires sur le levier et ça envoie de la sauce dans la cuillère. C'est génial et t'as pas besoin de remettre dans ton assiette et d'étremper tout. Moi j'ai eu ça quand je mets de la sauce dans mon assiette puis tous mes aliments commencent à goûter la sauce. Je trouve pas ça cool. Donc très bon gadget, c'est vraiment laid. Vous allez avoir l'air vraiment geek avec ça. Mais ça fonctionne si vous êtes pas en public. 10$ chez Kickstarter pour backer ce projet-là. En fait, ce projet qui n'a pas été financé finalement. 2944 sur 18 000$. Donc vous allez devoir trouver une autre solution pour votre problème. J'aime ça quand ça arrive ça. Ensuite, c'est le Selective Bowl Feeder pour les animaux. Pour vous assurer que votre animal de compagnie reçoive sa part de nourriture, mais en dose égale Donc c'est le Selective Bowl Feeder. Si votre chien porte le collier à infrarouge, c'est seulement à ce moment-là que le bol de chien va s'ouvrir. Hein? Donc vous allez pouvoir lui donner accès à sa nourriture seulement si c'est votre chien. Et si vous voulez ne pas le nourrir à ce moment-là et que vous voulez mettre de la bouffe pour plus tard, ben peut-être que vous pouvez lui enlever son collier. Il ne pourra jamais ouvrir le bol lui-même. 55$ pour ce bol Selective Bowl Feeder. Ensuite, ça c'est parfait. On se demandait, tu sais, des fois, tu as de la misère à reconnaître ta bouteille d'eau. T'sais. Des fois, les coupes de vin, on va mettre un petit jewel, un petit bling-bling dessus pour reconnaître sa coupe. Parfait. Mais votre bouteille d'eau, c'est plus difficile. Peut-être mettre une initiale avec un Sharpie, je sais pas. À la place, mettez-lui donc des sous-vêtements à votre bouteille. Hein? Selon Live Door News, un des plus grands portails de nouvelles au Japon, c'est des Bottle Panties ou des Bottle Underpants ou Botoru no Opansu qui vont être vendus au Japon. Donc, ça va être vendu via des machines à capsules, c'est comme les machines à jouets là, à 2$ ou je sais pas trop quoi. Ici, c'est 200 yens, donc 1,63$ américains. Pas mal de piastres finalement. C'est inspiré par la mode qu'il y a eu il y a quelques temps de sous-vêtements pour téléphone cellulaire. C'était vraiment une paire de culottes qu'on mettait à son téléphone cellulaire. Ici, par contre, ça a une fonctionnalité. Les boissons souvent vont suer quand il fait chaud l'été. Et cette couverture de bouteille va attraper les billes de sueur avant qu'elles quittent la bouteille et se ramassent sur la table. Hein? Quand même. Vous allez finir avec quand même des sous-vêtements mouillés, mais c'est toujours mieux qu'une table mouillée, nous dit Kotaku.com. Ensuite, c'est le Wink Pen qui utilise du vin, de la bière ou d'autres liquides pour écrire, en fait. Donc, c'est un concept. Je crois que c'est la designer Jessica Chan qui utilise donc des cartes de l'encre. Donc il nous dit que les encres de cartouches d'encre habituelles ne sont pas 100% biodégradables. Donc elle voulait faire un crayon qui pouvait être rempli de n'importe quel liquide. Donc c'est comme ça que le Wink Pen est né. Le Wink Pen a un bout en vitre à double tête pour ne pas avoir à s'en faire pour la rouille. Ok, je comprends pas trop comment ça fonctionne, tout ça, ces idées-là de rouille. Mais donc un bout de la tête donc est pour la calligraphie alors que l'autre est pour les lignes plus minces. Ok, donc tu prends de l'encre, tu trempes le bout dans l'encre de ton choix. Et tu twistes le corps du Wink Pen pour aspirer le liquide. Donc un peu comme un éléphant frais avec sa trompe. Donc tu vas mettre, ou comme comme à peu près les plumes, j'imagine, fonctionnaient aussi. Donc tu aspires un peu le liquide. Et après ça, tu écris. Ça dit que... donc Jessica dit qu'une de ses encres préférées est le jus de betterave. Elle a aussi essayé la sauce soya, le thé et le café. Elle confirme que Wink Pen fonctionne aussi bien qu'avec de l'encre traditionnelle. Elle s'est déjà rendue à son but sur Kickstarter. On peut donner $54 américains pour recevoir un Wink Pen comme récompense. L'idée est super cool, je trouve. Mes articles sont vus en ce moment. Je suis en train de vider l'arrière-boutique de mes liens qui datent d'il y a très longtemps. Mais quand même, allez vous renseigner sur le Wink Pen. Ensuite, un barbecue. Apparemment que ça a de la misère à faire cuire du bacon parce que le bacon va couler dans le fond. Je pense que c'est ça l'idée. Donc c'est le Stainless Steel Bacon Grilling Rack. On peut faire cuire du bacon croustillant pour vos hamburgers directement sur la grille avec un genre de petit ajout. C'est comme un... d'apparence, on dirait un porte-napkin. Okay? Donc c'est comme un morceau de métal qui a des côtés qui ressemble un petit peu à ce que les cochons des fois mangent là-dedans. Une espèce de... comment ça s'appelle déjà cette affaire? En tout cas, une espèce de fossé, si on veut. Et à l'intérieur, c'est vraiment un cône de métal. Donc tu vas venir... installer tes tranches de bacon sur le cône, sur le dessus, cône en profondeur, et ça va venir échapper le gras dans les fossés sur le côté. Donc c'est un rack qui est fait d'acier inoxydable, ça mesure 4,88 par 10,79 par 5,63 pouces, assez gros pour entre 4 et 6 tranches de bacon, donc peut-être en acheter 2 si vous voulez plus de bacon que ça, et ça fait cuire le bacon donc sur le grill, et ça empêche les dégâts. Ça coûte $20 chez Brookstone, ça s'appelle le Stainless Steel Bacon Grilling Rack, voilà. Ensuite, c'est un kit pour faire de votre melon d'eau un keg. C'est le keg de bière, un keg en fût. On a parlé dans la précédente chronique de fût à bière. Donc, pourquoi ne pas le faire avec un melon d'eau? C'est un petit peu plus de travail qu'un keg classique, mais le Final Touch Watermelon Keg Tapping Kit vous permet évidemment d'attirer le regard. Vous enlevez le dessus de votre melon d'eau et un petit peu en dessous. Vous le videz, vous installez le fût à l'avant et... le fruit va devenir un distributeur d'alcool. Après ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Peut-être du jus de pamplemousse, justement. Mélanger avec de la vodka, peut-être. Ça pourrait faire un bon petit party drink. $27 chez Amazon en ce moment pour ce gadget. Le Final Touch Watermelon Keg Tapping Kit. Voilà. C'est super beau en plus, ça. Continuons avec le Kuju Pour Over qui va vous permettre de faire du café dans le bois. comment. Le Kuju Pour Over, un produit qui vous permet de faire du café pendant que vous n'êtes pas en présence d'électricité. Ou encore, très très loin de votre Keurig. C'est une alternative au café instantané que certains trouvent inévitable dans plusieurs cas, par exemple en camping. Ça utilise donc une petite pochette style origami qui va s'ancrer, s'attacher aux côtés d'une tasse d'à peu près n'importe quelle grandeur. Ça va mettre, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur les grains de café moulus dans un petit filtre et ça vous permet de simplement verser l'eau chaude par-dessus pour faire votre café. Vous laissez tremper pendant un petit moment et ensuite vous jetez la pochette. Bon, c'est sûr que ça va pas être fraîchement moulu et fraîchement torréfié ou peu importe, mais au moins, c'est mieux que du café instantané dans pas mal n'importe quelle situation, finalement. C'est pas le premier de ce genre de produit-là sur le marché, mais le Kuju Pour Over essaie de se distinguer avec ses pochettes au nitrogène qui déplacent de l'oxygène pour garder l'oxydation à un minimum, disent-ils. Ça coûte 30$ en ce moment pour 6 pochettes Kuju Pour Over. Ce qui est évidemment beaucoup de... En fait, ça inclut le café. Oui, c'est pour ça. Ils essaient de se distinguer avec leurs grains de café aussi, donc ça inclut le café. On vous dit que 1% de l'argent qu'ils vont faire va revenir à One Person for the Planet, qui est un projet environnemental, de conservation environnementale. Vous pouvez faire votre café n'importe où, à la maison, au bureau, à l'extérieur. Ça fonctionne comme je disais sur n'importe quelle tasse et c'est tout plié comme de l'origami. C'est super cute en plus. Ensuite, le Mix Stick. Faire un bon drink, c'est peut-être pas si difficile que ça si vous utilisez les bonnes formules, mais il faut avoir la bonne quantité de chaque ingrédient. Donc le Mix Sticks, c'est justement quelque chose que ça... dans le fond, ça va vous aider à trouver votre bonne quantité de chaque boisson. C'est un bâtonnet avec lumière LED qui se connecte à une application qui va correspondre, qui va faire correspondre chaque ingrédient dans la boisson avec une couleur spécifique pour, qui va s'afficher sur le bâtonnet. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre le bâtonnet, le bon bâtonnet dans le verre, commencer à verser, brasser, shaker ou peu importe, et ensuite ajouter votre garniture. Et le bâton peut aussi être programmé pour performer d'autres tâches qui n'ont pas rapport avec l'alcool, comme devenir un lightsaber avec détection du mouvement, ou encore comme source de lumière pour faire de la peinture de lumière. Donc, c'est pas mal ça, le Mixtic. C'est pas super bien expliqué. Là. Je vais aller voir sur leur site web qui est mixsticks.com. Donc, pour fabriquer un Cosmo en une minute. Donc, vous allez mettre le bâton à l'intérieur du verre. Chaque lumière correspond à un alcool qui est défini sur votre application. Là, vous allez prendre votre bouteille et remplir de verre, une certaine boisson jusqu'en haut de la lumière LED. Vous allez prendre l'autre. Bon, ici, c'est du jus de canneberge qu'on va verser jusqu'à la fin de la lumière rouge. OK, parfait. Ensuite, la vodka jusqu'à ça. Après ça, de la glace jusque-là. Donc, en fond, le bâton reste dans le verre et vous montre jusqu'à quelle hauteur mélanger votre alcool. Sympathique, hein? Sympathique, pas mal. Ensuite, on reste avec l'alcool, c'est le Bathtub Wine Glass Holder. Pour soulager votre stress causé par une longue journée, vous pouvez faire de votre bain un environnement un petit peu plus sympathique pour vous, buveurs d'alcool, avec un porte-coupe avec suction. Oui, donc suction, comme n'importe quel autre appareil à suction, ça va coller sur le bord de votre bain. Vous allez pouvoir déposer votre coupe à l'intérieur très facilement et boire comme bon vous semble. Sécurisé sur les tuiles de porcelaine, les tuiles de céramique. Ça peut fonctionner avec les canettes aussi bien qu'avec les coupes de verre, les coupes de vin, pour 14$ sur Amazon.com. Ça s'appelle le Sipcali, S-I-P-C-A-D-D-Y. C'est particulièrement affreux comme gadget, mais ça fonctionne. Il y en a sûrement d'autres qui sont plus beaux que ça. Ensuite, que j'aimerais donc pouvoir goûter à ça dans une prochaine chronique d'une grosse pointe d'adresse, c'est des bandes de bacon couvertes de chocolat sur bâton! Parce qu'on sait que tout ce qui est sur bâton, c'est déjà meilleur. Pour avancer un pas de plus vers l'obésité morbide, nous dit This is why I'm broke. C'est des tranches de bacon couvertes de chocolat. Chaque batch contient une demi-livre de bacon cuit à la perfection, juteux, entouré, enrobé, enveloppé de chocolat, de caramel, de noix et de sprinkles pour 20$ pour l'ensemble sur Etsy.com. 26$ canadiens, fait à la main, résidé sur commande, toujours seulement aux États-Unis. Mais quand même, c'est dans la boutique de Sweet Treats Plus. Ensuite, enfin, une façon d'empêcher vos colocs et membres de la famille de manger votre bon Nutella. Des fois, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit avec une envie de Nutella pour voir que votre pot est à moitié vide, ou presque vide, parce que quelqu'un s'y est rendu avant vous. Ça arrive, mais maintenant, il y a une solution contre ça, c'est le Nutella Lock. C'est un appareil en acrylique fait spécialement pour accommoder le pot très connu de Nutella. C'est vendu par eBay en Allemagne. Ça ne peut pas s'envoyer ailleurs dans le monde apparemment, mais quand même, ça a commencé comme une blague. C'est Daniel Schloblock, un designer de meubles allemand qui était tanné de voir ses enfants voler son doux nectar. Alors maintenant, avec 250 de ces gadgets qui ont été fabriqués et précommandés, quand même, on dirait que ça va prendre de sa propre... Ça va devenir un gadget peut-être achetable ailleurs dans le monde éventuellement. 9,99 €, ce qui fait environ 11 $ américains. Ensuite, c'est le Rubber Ducky Tea Infuser. Pour ceux qui aiment les petits canards dans le bain. Mais maintenant, dans votre tasse à café, pour faire votre propre thé. Donc, on met ses feuilles à l'intérieur du petit canard et le canard va flotter sur votre liquide. Évidemment, en ayant l'air de faire ses besoins et en colorant l'eau. 9 $ américains pour le Rubber Ducky. Tea Infuser. Ensuite, c'est une machine pour faire de la slush avec du coke. Oui, dans votre propre maison, vous allez pouvoir faire votre propre slush à saveur de Coca-Cola avec cette machine qu'on peut remplir de n'importe quelle liqueur, évidemment, même s'il y a le logo de Coca-Cola sur le côté. Ça veut pas dire qu'on peut faire juste ça. On remplit la machine de liqueur, de boisson gazeuse pour savourer cette slush remplie de saveurs pour 52 $ américains sur Amazon. Ça s'appelle Nostalgic Coca-Cola Coke 16-ounce Single Serve Frozen Slushy Maker Machine. Bien sûr. Ensuite, un jeu de boisson, mais à saveur de Jenga. Vous savez, Jenga, le jeu, je dirais, pas mal pour enfants, mais avec des shooters, ça pourrait faire quand même un bon jeu pour adultes. Pour vos capacités motrices, testez-les avec chaque bloc qui vient avec une petite phrase, une commande qui vous demande donc, vous et vos collègues joueurs, de boire un certain montant, une certaine quantité d'alcool pendant que vous enlevez les blocs. Donc, par exemple, il pourrait y avoir, drink one with player to the right, donc buvez un shooter avec le joueur à votre droite. T'as le joueur de votre gauche, t'as reverse, je sais pas trop ce que ça veut dire, renverser. Qu'est-ce que ça veut dire renverser? Je sais pas. Donc, 16,50 $ pour le jeu Jenga Drinking Game. Ça s'appelle le High Cup Drunken Tower. Ah ouais, comme c'est le High Cup Drunken Tower, c'est sûrement pas sous licence de Jenga. Ensuite, j'adore celui-là, ça fait longtemps que je voulais en parler, je sais pas pourquoi il a été repoussé plusieurs fois, mais c'est le BM Butter Sprayer, qui va changer un doigt de beurre en beurre spray. Délicieux, hein? Donc s'il y a du beurre, évidemment, ça améliore toujours tout dans la vie. Le BM Butter Sprayer qui peut ajouter de la saveur sans rendre la tâche difficile en devant faire chauffer votre beurre dans le micro-ondes. Donc vous prenez un bâton de beurre dur et ça va vous permettre de l'envoyer en spray. Sur votre nourriture, c'est des sensors qui vont détecter si vous avez pris l'appareil dans votre main et ça va faire chauffer un élément à 95 degrés Fahrenheit, ce qui va faire fondre instantanément le beurre en beurre liquide. Ensuite, simplement à pousser sur la petite pompe qui va envoyer le liquide sur peu importe ce que vous voulez comme du popcorn. On peut utiliser le même beurre qu'on utiliserait dans d'autres situations et le gadget ne fait pas fondre le bâton au complet, seulement la partie qui est la plus proche du bec pour envoyer le spray. Donc c'est aussi froid au toucher l'appareil et il y a pas de chimie, il y a rien de chimique utilisé à l'intérieur. On demande 99 $ pour faire votre propre gadget, oui, qui va être envoyé en septembre si le Kickstarter se rend à son but. D'après moi, c'est déjà rendu, on va aller voir. Attention, est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit, mais oui, voilà. Donc 235 098 $ américains ont été collectés grâce à 1714 contributeurs. Vous pouvez précommander maintenant sur la page d'assemblagerequis.com. Donc, c'est The BM Butter Sprayer, B-I-E-M Butter Sprayer. Ensuite, tiens, les Egg Ninjas pour faire des œufs cuits durs, mais plus facilement. Bon, c'est pas... Il y en a qui ont de la misère à faire des œufs cuits durs. C'est sûr, c'est pour ça qu'on a inventé en fait ce gadget-là, les Egg Ninjas. Vous mettez un œuf dans l'espèce de cup à succion, si on veut, qui donne des yeux et un cache de ninja à votre œuf. Et vous laissez le petit tag à l'extérieur de votre... dans le fond, ok, je recommence ça. C'est comme un casque pour votre œuf. Et sur le casque, il dépasse une petite queue, donc un morceau de silicone avec une anneau, donc une bague à la fin. Donc, tu vas faire tremper et faire dépasser la tag, donc le petit cordon. Tu vas le faire dépasser de ton chaudron. Quand tu vas être prêt à l'enlever, tu vas pouvoir tirer sur le cordon et utiliser le bout du cordon, donc la bague, comme un pied pour votre œuf sur la table. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça coûte 13 $, c'est pas cher et ça ajoute un petit peu de plaisir à votre déjeuner. Donc, ça s'appelle le Egg Ninja. Voilà. Ensuite, on a parlé de bacon, enveloppé de chocolat tantôt. Pourquoi pas des arachides frites, Deep Fried Peanuts. Oui, une collection classique apparemment aux États-Unis. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais des Deep Fried Peanuts avec la coquille et tout. Donc, c'est rempli de fibres et une texture super croustillante. Et c'est avec des assaisonnements donc dans l'arachide au alentour. 6 $ pour l'emballage. Il y a plusieurs saveurs d'ailleurs, salé, à l'ail, cajun, et piquante. Voilà, 5,97$ pour un emballage de 7 onces. C'est Uncle Bud's Salted Deep Fried Peanuts. C'est sur Amazon.com. Ensuite, celui-là, je crois que je l'ai déjà fait. Je vais aller à l'autre. Pourquoi pas une machine électrique pour faire du macaroni au fromage? Ça ressemble encore à un produit qu'on verrait à la télé. Donc, c'est un produit qu'on achèterait en pharmacie, je pense. Electronic Mac and Cheese Maker. On dirait que c'est rendu la spécialité des pharmacies, les produits achetés vus à la télé. Donc, c'est un appareil électrique fait pour faire juste du macaroni au fromage. C'est aussi que c'est fabriqué par une compagnie qui s'appelle Cheese Nation. Cheese Nation, wow. La façon plus rapide de préparer votre macaroni au fromage avec un tamis ou un, comment t'appelles ça, c'est quoi le mot déjà? C'est un tamis pour enlever l'eau des pâtes, là. Une passoire, ben oui. On a pu faire des jeux de mots de pas. Ah, veux-tu qu'on aille faire quelque chose? Non, passoire, c'est un jeu de mots excellent. T'sais. Pourquoi est-ce que je l'oublie? Et puis un mixeur intégré qui va brasser pour vous votre fromage dans votre macaroni. N'est-ce pas fantastique? J'adore ça. Et vous pouvez aller acheter de la petite poudre macaroni au fromage en vrac dans un magasin de vrac trifluvien. Nous en reste 3. On va continuer, vu que je vais finir mes 25 que j'avais préparés pour ce truc-là. Celle-là, c'est une montre bento avec un mini repas à l'intérieur. Oui. Donc, vous avez une petite vidéo pour voir comment ça fonctionne, mais c'est une petite montre avec à l'intérieur un repas. Ça se passe au Japon, bien sûr, avec des chopsticks, des baguettes chinoises intégrées à la montre. Donc, ils vont s'éjecter par le côté. Vous allez pouvoir manger votre petit repas avec vos baguettes dans votre montre. C'est pas génial, ça? C'est une compagnie basée à Kyoto, Takiseed, qui a créé cette vidéo-là, cette cascade publicitaire pour peut-être convaincre quelqu'un de fabriquer ça un jour. 30 mm de diamètre pour cette montre. Toute petite, toute mignonne, avec vitamines et minéraux à l'intérieur. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite, on a un sleeping bag qui utilise des aimants à la place d'un zip. Ça s'appelle le No Zip Sleeping Bag. C'est donc très luxueux, 420$, qui utilise une bande d'aimant pour fermer votre sac de couchage. Peut-être pour s'empêcher de se le fermer sur quelque chose, j'imagine, je sais pas trop quoi. 420$, je sais pas ce qui justifie ça, mais bon, c'est un sac de couchage avec des aimants. Et finalement, le Zoloka, qui est en partie hamac et en partie chaise berçante, pour faire de la relaxi-meuble, si on veut, relaxiture, c'est un jeu de mots avec meuble et relaxation. Le Zoloka, donc un meuble absolument adorable, très très joli. Si je vous le décris un peu, ça ressemble à une roue à hamster, avec en dessous des genres de ski ou des, tout comme des pattes de chaise berçante. Et à l'intérieur, c'est coussiné ou des tissus un peu. Et tu peux t'asseoir ou te coucher, parce que ça n'a pas l'air d'être assez grand pour se coucher complètement, donc il faut avoir les genoux repliés, les jambes repliées. Mais tu te balances, puis c'est comme si tu étais suspendu en deux affaires. C'est des étudiants Shivani Gulati, Mehak Philippe et Archita Murudkar du MIT Institute of Design à Pune en Inde qui ont créé cette chaise-là. Ça faisait partie d'un défi scolaire pour faire un design d'un meuble original en seulement 2 semaines. J'avoue que pour un design qui a été créé par des étudiants en 2 semaines, ça a du sens. Allez voir les photos. Vous allez voir que le dessus ressemble à un dessus de hamac ou de chaise. Tu sais, les chaises sont suspendues dans les airs. Hein? Ça ressemble à ça en haut. Et en bas, ça ressemble plus à une chaise. Plus à un hamac et le dessous à l'air d'une chaise. C'est difficile à expliquer. À la radio, allez voir le lien pour les photos sur assemblagerequis.com. Et voilà pour une autre portion de Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, à force d'en avoir fait 50 aujourd'hui, j'aimerais ça me rendre au bout. Parce que j'en ai beaucoup trop accumulé depuis les derniers mois. Ça n'a même pas de sens. Au retour de la pause, ce sera Véronique Mire et son Véronictionnaire. On va terminer avec la dernière lettre de l'alphabet qui pourrait être la première. Ouais, c'est la lettre A. Au retour à Assemblagerequis, restez là. Visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. De toujours à Assemblage Requis en ce mardi 19 avril pour la semaine du 18 avril 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine parce qu'elle a mal à la clavicule. Je le dis à chaque début de demi-heure pour que ceux qui s'intéressent le sachent. C'est fait mal en s'entraînant. Une blessure. C'est une sportive, Tania Baudin aussi. Donc, dans quelques instants, comme je l'ai dit tantôt, ce sera Véronique Mire et son Véronictionnaire. Mes avant ça, une pièce du palmarès francophone. Voici Olivier Bellil et les tranchées du pain blanc à Assemblage Requis. Ça, c'est fou. Et ton bois de chauffage, l'aéroport du rêve, c'est au camping des barges. Il y a du sapin en tranche, des sciures, des copeaux, de belles machines à sous. Imagine les animaux. Amène ton manque de tact et tes amis d'enfance. Les souvenirs intacts d'un troupeau d'innocence. Il y a des peines, de larmes, beaucoup de temps à part. On frira le bonheur, on le fera swinguer dans le bar. L'enfer, c'est une shot de Jack, d'un publisac en or. Y'a pas de pourboire dans pourboirie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y'a une championne de boxe à 3,44 qui cale la Kilkenny en rêvant de te donner des baffes. Oh, du canage et des fleurs en plastique. Y'a une levée de fond pour une levée de corps. Tu feras un beau discours sans bras d'honneur à l'amour. Tu détourneras le train d'une chanson sans refrain. Les tranchées de pain blanc à Assemblage Requis. On l'a dit tantôt, Véronictionnaire est là. Véronictionnaire. Tu vois, moi, c'est rendu que les noms sont tellement accouplés à leur personne qui ça va, que je suis rendu que j'appelle les gens par leur nom de chronique. Je suis accouplée à ma chronique. Je sais pas si j'aime ça, mais... même, c'est un peu louche, mais c'est pas grave. Donc, voici Véronique Mire et le Véronictionnaire. Bien. Oui, toi! Oui, c'est ta dernière chronique en tant que, que présentatrice d'un dictionnaire à l'envers. Ben oui! C'est pourquoi faire les choses simples? C'est ça! C'est pas mal mon mojo! T'as commencé... ton mojo! T'as commencé par la lettre Z il y a quoi, 2 ans environ? Ouais! Et aujourd'hui, on termine avec la lettre A. Eh oui! Dans le bon ordre. Quand même! Avec des pauses, une fois de temps en temps, on se rend. Ouais, ouais. Hey, moi, j'en reviens pas! Qu'on soit rendu à la fin. C'est un exploit. Mais wow. Ça veut pas dire que la chronique est terminée là. Mais non. On va en parler à la fin de ta chronique. On a des... Ouais, c'est ça. Parce qu'on a une chronique à faire. On va vous laisser sur un cliffhanger. Absolument. La lettre A. Oui. Qu'est-ce qui se passe de bon? C'est sûrement la lettre... une des lettres les plus... difficile à choisir les mots. Ben oui, mais là, comme on... En tout cas, mais je me suis laissé une porte de sortie quand même, mais j'ai réussi à faire des choix, somme toute, très intéressants. Je suis des trucs, c'est toujours très intéressant, hein? Mes amis, ma famille me disent... Des fois, je parle d'un sujet, puis bon, qu'est-ce qu'elle va bien nous dire là-dessus, tu sais, puis à chaque fois... On apprend des choses. Toujours, oui. Oui, voilà. Fait que mon premier sujet peut être très, très simple. En fait, les fameuses ampoules, et non, pas les ampoules électriques, mais les ampoules qu'on se fait sur les doigts. Les pieds et tout ça. Douloureuses. Pourquoi on en a des ampoules, à part les brûlures, là? Une ampoule... Parce qu'on fait beaucoup de sport, peut-être une batte de baseball, ça fait de même. Ou sinon, d'autres sports, mais plus d'entre-corps, de demi-corps, là, genre de... Quand tu fais des ampoules, parce que tu te... Oui. Oui, tu comprends frottement, ça. C'est le frottement. C'est le frottement, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la friction. C'est le frottement de la peau sur un plan dur qui entraîne un réchauffement de la peau. Puis là, la peau, pour se protéger, va créer une cloque, okay, qu'on appelle aussi l'ampoule, pour justement, bon, pas que ça rentre dans la peau, là, dans les couches trop profondes, le réchauffement, puis que ça brise la peau plus en profondeur, que ça crée une cicatrice. Donc, il y a la formation d'une ampoule. Ah ben. C'est juste ça. C'est facile. Premier sujet très léger. Mais pendant qu'on est des ampoules et que justement, je vous dis, ben, on parlera pas de brûlure, mon deuxième sujet sont les allumettes. Ah! Alors, petite histoire de l'allumette. Le mot allumette en tant que tel date environ de l'an 1200. Puis à l'origine, c'était pas le petit bout de bois, là, évidemment, là, avec le soufre au bout et tout ça pour l'allumer. C'était juste une petite bûche qui était destinée à faire prendre le feu. Une petite bûche? Une petite bûche, wow. Oui, une bûchette, mm-hmm, hein, parce qu'on a quand même un mot en français pour ça. Donc, l'enceinte de l'allumette moderne a été inventée en 1805 à Paris par le professeur Louis-Jacques Thénard. Hein. En ayant fait le Véronictionnaire, ce que j'aurais beaucoup remarqué, c'est que les Européens, là, ils ont inventé le trois quarts des affaires qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Vraiment, là, les Américains les ont souvent perfectionnés, mais les Européens sont souvent à la base de plusieurs inventions. Chacun sa tâche, on s'entend bien là-dedans. C'est ouais, sûr. Ça, mais ils ont une histoire quand même beaucoup plus longue que la nôtre. Oui. Hein? Donc, 1805 à Paris, Louis-Jacques Thénard produit un mélange inflammable qui contient du chlorate de potassium, du soufre, du sucre et du caoutchouc, mm-hmm, qui s'enflamme en étant plongé dans un petit flacon d'amiante rempli d'acide sulfurique. Ouf. Donc, c'était à la fois dispendieux à cause de tous les ingrédients que ça comprenait et dangereux. Alors, c'était pas un super grand succès. En 1827, un chimiste anglais, John Walker, invente l'allumette inflammable par friction, qui est moins dangereuse que plongée dans un petit contenant, mm-hmm, d'acide. Les premières allumettes sont brevetées par Samuel Jones et commercialisées sous le nom de Lucifer. Donc, okay. Les premières allumettes. Mais elles avaient d'importants défauts, comme la flamme était souvent instable. La réaction peut même être violente quand on l'allumait. Alors, Charles Soria, en 1831, un Français aussi, va ajouter le phosphore blanc aux allumettes pour en atténuer l'odeur de soufre. Et ces petites allumettes-là vont devoir être conservées dans des boîtes. Ce qui a donné lieu au phénomène de la philuménie, okay, qui est la collection des boîtes d'allumettes. Ah, j'avoue que c'est quand même sympathique. C'est cute, des boîtes d'allumettes. Ben oui, il ouais, y en a vraiment des belles. Ben, je ne voudrais pas que je me lance là-dedans. Non, c'est ça. Bon, les collections. Étant un complétiste, je ne sais pas comment on avait ça, c'est sûr qu'il veut tout avoir. Quand tu te mets à vouloir quelque chose, tu veux tout ce qui va avec. Ouais, moi, c'est le même. Ça. En tout cas, non, je ne pourrais pas commencer ça. La collection des boîtes d'allumettes. Philuménie. Puis, vraiment, il y en a vraiment des belles. Donc, en 1831, lui a ajouté le phosphore blanc. L'Allemand Jacob Friedrich Kammerer, fut à l'origine de leur production industrielle en 1832, donc production à large échelle. Mais ceux qui travaillaient à la fabrication des allumettes étaient atteints de maladies osseuses, en particulier au niveau des mâchoires, à cause du phosphore blanc. Ah ouais. Donc, ce qui était quand même assez toxique. Donc, en 1906, là, je fais un bond dans le temps, là, à Berne, le 26 septembre, on a mis une loi selon laquelle on ne pouvait plus utiliser de phosphore blanc parce que c'était dangereux pour les travailleurs. Ça a été remplacé par du phosphore jaune, qui supposément est moins dangereux, mais là, bon, pourquoi... Ça veut pas dire pas dangereux, mais moins dangereux que le moins phosphore. Moins nocif, c'est ça. Donc, voilà pour la petite histoire des allumettes. Intéressant, ça, j'aime ça. Maintenant, très intéressant sujet que j'ai découvert, l'assiette. Ah! Ben ouais. Ben ouais. Pourquoi pas? Donc, l'autre affaire que tu peux collectionner. Des objets. Ouais. Ben ouais, ben aussi, oui, les assiettes. Alors, au Moyen-Âge, on parlait déjà d'assiettes, mais ça n'avait pas le même sens que ce qu'on lui connaît aujourd'hui. Les assiettes au Moyen-Âge, c'était plutôt pour parler des différents services. de nourriture qu'on servait là, dans les banquets et compagnie. Ouais. Donc, la première assiette, moi, je trouvais ça intéressant quand ça parle de bouffe, ça m'intéresse toujours. La première assiette, c'est une sorte d'apéritif, là, du pain avec des pâtés, des trucs de même, un peu comme aujourd'hui. Oui. Deuxième, plat de sauce. Troisième, les viandes grillées. Puis, deux ou trois, quatre autres assiettes comme ça. Hey, t'imagines-tu, t'sais? Ah, mais j'en veux, des assiettes. Hey, c'est fou, hein? Donc, ça avait, c'est plus comme des assiettées que des assiettes. Éventuellement, on va avoir des écuelles en bois ou en terre pour manger les potages qui vont être sur les tables. Et François Premier va être le premier à faire une commande d'assiettes individuelles. Parce qu'avant, c'était plutôt des plats de service. Alors là, ils étaient en étain, en argent, en faïence, décorés de scènes de combat, de chasse et tout ça. Donc, c'est surtout des assiettes de décoration. Mmh. Donc, on voit des fois dans les maisons de nos grands-mères, là, chez moi. D'ailleurs, salutations à ma maman qui collectionne de très belles assiettes. Ben, ça se fait que de génération en génération, c'est quand même c'est résistant. Hein. Oui, c'est ben oui, c'est ça. Hein. Donc, le plus fin des fins, lui, avait des assiettes en porcelaine. Ça, c'était vraiment le luxe, là, du côté des assiettes. La meilleure porcelaine venait d'où? Je sais pas. D'où tu penses? Pense-y, la décoration de porcelaine. Qu'est-ce que c'est? Porcelaine. On dirait que j'aurais envie de dire quelque chose comme genre la Hollande ou quelque chose de fancy comme ça. Non? Allemagne. À la base. Ben, en fait, c'est devenu en Allemagne, tu vas voir, un petit peu plus tard. Là, donc, t'es pas loin. Mais pour le plus tard, mais à la base, ça venait de Chine. Ah, ben oui. La China, là, oui, fine China. Mais oui, c'est ça, je me suis dit, ça il va le trouver. Donc, la porcelaine de Chine était vraiment mystérieuse, hein, parce que eux autres, en Chine, ils étaient capables de faire de la porcelaine dure. Okay. En Europe, pendant de longues années, ils ont été capables seulement de faire de la porcelaine tendre. Ah. C'était probablement moins cassant que la porcelaine dure, mais la porcelaine dure permettait vraiment de faire des plus beaux motifs sur les assiettes. Puis les Chinois, quand ils se sont rendus compte à quel point que les Européens tripaient sur leur porcelaine, se sont mis à se spécialiser à faire des motifs à l'européenne. Ah, pour pouvoir leur vendre ça? Oui, c'est ça. Mais ça avait toujours une petite touche exotique. Donc, les marquises avaient quand même les yeux bridés. Voilà. Donc, pendant longtemps, en Europe, on essayait de retrouver comment faire de la porcelaine dure et on savait que c'était avec un mystérieux ingrédient qui s'appelait le kaolin. Okay. C'est ça qui permet de faire la porcelaine dure. Alors, à un moment donné, il y a un gisement qui a été découvert de ça. Là, c'est un chirurgien aux alentours de Limoges qui voyait que sa femme faisait du ménage avec un produit qui avait comme de l'argile blanche dedans. Il s'est dit « C'est quoi ça, ce produit-là? » Il a fait analyser ça puis il s'est rendu compte que dans son pays, il y avait un important gisement de kaolin. Donc là, les Européens ont pu commencer à en produire et d'ailleurs, lui venait d'Allemagne. Donc, quand tu étais pas loin, là, tantôt, quand tu parlais de tout ça. Donc, voilà pour l'assiette. Jolie. Assiette. Ouais, quand même. Ensuite, les antibiotiques. Là, la médecine, ça va me perdre. Un petit peu. Mais je vais vous en parler un peu, je vais te poser une petite question. Okay. Tu vas voir. Donc, c'est en juillet 1928, un bactériologiste appelé Alexander Fleming, donc à Londres, qui partait en vacances avec sa famille pendant 3 semaines et il a oublié par terre, dans son laboratoire ouvert, un petit pétri contenant la bactérie influenza. Donc, il a laissé ça, un staphylocoque. Donc, il a laissé ça ouvert par terre pendant 3 semaines. Puis quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de champignons, mousse, verdâtre sur le petit pétri. Fait qu'il s'est dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Puis, pas loin de lui, il y avait un mycologue, donc quelqu'un qui travaillait sur les champignons, qui travaillait sur le Penicillium notatum, hein, donc les bactéries de pénicilline, ou si on veut, là, le composant de la pénicilline, était dans l'air. Puis cette souche de pénicilline-là était très combattante. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait par terre les staphylocoques, ils se sont lancés dessus et la pénicilline a eu le dessus et a tué tous les staphylocoques dans le petit pétri de M. Fleming. Et c'est son partenaire mycologue qui a pu dire « Hey, ça ressemble à des champignons de pénicillium, ça! » Donc, il y a eu la découverte de la pénicilline qui s'est faite là. Ils ont fait toutes sortes de recherches pour voir jusqu'à quel point ça pouvait être efficace chez les humains et tout ça. Ben, ça a commencé par les souris, hein, évidemment, c'est beaucoup comme ça. Donc, ils ont commencé par cristalliser la pénicilline pour en donner à des souris. En faisant différents tests, les souris survivaient de plus en plus aux maladies qu'on leur donnait. Donc, ils ont eu, à un moment donné, à faire des tests le 12 février 1941 sur un policier qui était atteint d'un staphylocoque, justement, qui, lui, bon, a été pris trop tard. Donc, malheureusement, il est mort. Donc, lui, il savait pas trop quoi faire avec ça. Bon, il est mort. On lui a quand même donné la pénicilline. Mm-hmm. Mais plus tard, ils ont réussi à sauver un adolescent de 15 ans en lui donnant aussi de la pénicilline. Et lui, il a survécu. Donc là, ils ont poursuivi les tests. Et la pénicilline s'est rendue jusqu'aux États-Unis, hein, parce qu'elle part de Londres. Et là, c'est des gros laboratoires de médecins là, qui ont pris ça en charge. Peut-être que là, tu pourrais... des gros laboratoires de médicaments là, aux États-Unis. Là. Pfizer? Ben, exactement. Eh ben, le premier. Bon, tu vois... Super! Donc, Merck, Pfizer et Squibb. Oui. Squibb, oui. Se sont lancés dans la production de la pénicilline. Ceux donc, qui sont allergiques à ça, c'est dommage parce que ça doit vraiment régler beaucoup de problèmes. Moi, je suis allergique à la pénicilline. Ah oui, hein, il y en a beaucoup des gens qui sont allergiques. Mais des fois, ça peut partir assez vite, cette allergie-là, mais c'est une grosse réaction. Okay, donc, on prend autre chose. Pas mortel au moins? Non. Okay. Ben, en tout cas. Ça pourrait causer des effets. Ça pourrait à long terme, mais les autres. Les antibiotiques qu'ils vont te donner en échange ont des effets secondaires beaucoup plus importants que la pénicilline. Bon. Fait que tu te ramasses avec une panoplie de... Puis je me dis, l'urticaire, c'est pas super, là, si comparé à tous les autres effets secondaires que tu peux avoir. Vomir sans cesse. Fait que... C'est bon, j'ai la gorge sèche. C'est acceptable quand même. Mais on va rester dans le domaine de la médecine, commençant par A. Okay. Un anti-bobo universel. Un anti-bobo universel, donc mais difficile, ça tape. Non, je sais pas. Quelque chose qu'on connaît beaucoup, là. Advil! Peut... Advil, aspirine. Ah, aspirine, j'étais proche. Oui, ça aurait pu être Advil, moi aussi, j'y ai pensé. Donc, l'aspirine, d'où ça vient? En fait, dès l'Antiquité, l'écorce de saule est reconnue comme ayant des propriétés anti-inflammatoires. Hippocrate préconise d'en boire quand tu as toutes sortes de douleurs articulaires et tout ça. En 1829, Pierre-Joseph Leroux parvient à produire des cristaux blancs à partir de saule qu'il appelle la salicine. Oui. Donc, du latin salix pour saule. Lui, c'est un pharmacien, donc qui va arriver à faire un composé stable à partir de ça. Donc, à base de salicylate. Donc, c'est naturel, moins coûteux et tout ça. Ce qui va donner lieu, un peu plus tard, au principal composant de l'aspirine qui est... L'acétyl salicylique. Ça? C'est pas mal ça, ouais, c'est ça. L'acétyl salicylique. Exactement. Donc, ça va être développé de plus en plus pour devenir de plus en plus stable parce qu'on a fait toutes sortes d'expériences. Bon, c'était stable, pas stable et tout ça. Le 10 août 1897, la formule va être officiellement faite. C'est le directeur Heinrich Dresser qui va mettre ça en place. Mais lui, il est quand même assez sceptique. Et puis là, 1890... Il est sceptique. Sceptique, quand même. Il va laisser ça un peu en suspens. Ça va être repris plus tard à Berlin, en 1899, par Bayer, qui va lui donner son nom allemand, aspirine. Ah. Donc, aspirine, c'est un nom d'origine allemande. Marketing, quand même, ça sonne bien. T'sais. Ben aspirine. Oui. Aspirine! Oui. Quand la Première Guerre mondiale éclate, donc l'aspirine est d'origine allemande, le gouvernement britannique ne s'occupe pas du brevet qui a été déposé pour l'aspirine. Lui, il va dire « J'offre 20 000 livres sterling à qui réussira à développer une méthode de production industrielle, indépendamment du brevet. » Alors, c'est un Australien, George Nicholas, qui remporte le prix. Puis lui, il va appeler son produit « Aspro ». Aspro. Donc, le brevet est tombé à l'eau au détriment d'une guerre, justement, qui avait cours et les Britanniques, par le biais de l'Australie, on dirait un match de hockey, se sont emparés de la découverte. Donc, sujet un petit peu difficile à expliquer, je me sens moi-même confuse. Je suggère fortement que nous allions en musique. T'as bien raison. Qu'en penses-tu? Je suis absolument d'accord avec toi. On va l'entendre, une pièce du côté francophone de Rouge Pompier. C'est leur extrait Autobus. Vu que ça commence par A. Ça a du sens? Ça a bien du sens. Ça va être plus simple après la pause en passant. Rouge Pompier, tout de suite à Sondage Requis. Sur ce vous, 81 FM, c'est ça? Ouais! Je pense que c'est ça. On est confusionnés! Arrête! Tiens, là. fuche. Rappelle-moi pourquoi tu es pas dans l'autobus. Rappelle-moi, Jess fuche. Je te vois encore. Rappelle-nous pourquoi ton temps porte la mort. Rappelle-moi encore. La fantôme du futur, je me décolore. Qui peut juger le jeune toi qui s'empaille dans une foule de guerriers qui s'attendent. Faut pas de la mort, pire piaise. Faut que tu contrôles cette angoisse en toi qui t'achale. Rappelle-moi, Jess Fush. Rappelle-moi pourquoi t'es pas dans l'autobus. Rappelle-moi, Jess Fush. Hey, Jess Fush, encore. Rappelle-nous pourquoi t'es dans pas de la mort. Rappelle-moi. Rouge pompier, la pièce Autobus sur leur album Chevy Chase à Assemblage Requis. On est toujours avec Véronique Mir et son Véronictionnaire. On termine la lettre A et on termine le Véronictionnaire au complet aujourd'hui. Eh oui! Dans son ordre alphabétique. Eh oui! On en reparlera. Là, j'ai un léger mal de tête pour avoir headbangé tout ce temps-là. C'est incroyable. Fais du bien un petit peu. Ben du là, gros rock ben de oui, même. Quand même. Donc, la lettre A continue avec quel mot? Oui, là, on est dans la simplicité. Là. La médecine m'a donné mal à la tête. Oui, c'est, alors, c'est compliqué. Ben, simplicité, oui et non, encore quand même, parlons de science. Ah, bon, OK. Mais c'est plus simple. Pourquoi est-ce qu'on a créé les années-lumière? A, années-lumière. Les années-lumière. Tu vois, j'entends souvent ce terme-là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ben, années-lumière. Alors, toi, là, si je te disais, ça représente quoi? 9 trilliards, 461 milliards... Tu vois, c'est trop gros, je comprends pas. C'est pour ça que j'imagine qu'on a mis un terme dessus. Exactement. Okay. En fait, ça... c'est en fait 9461 suivi de 90. Okay. C'est l'équivalent en kilomètres d'une année-lumière. D'une année-lumière, OK. Fait que c'est bien trop long. T'sais, c'est comme si on demande à quelqu'un le tour de la Terre, ça représente quoi pour on ne sait pas. On sait pas. Tu l'as pas vécu, puis c'est impossible de le voir en un clin d'œil. Faut l'imager, l'imaginer, lui donner un sens. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a inventé les années-lumière. Par exemple, la Lune est à environ 300 000 km de la Terre. Okay. Le Soleil à 150 millions de kilomètres de la Terre, puis on est content qu'il soit loin de même. Mais par contre, Proxima du Centaure, lui, est beaucoup plus loin. Hein? Proxima du Centaure, là, je suis pas fière de moi parce que là, ça doit être une galaxie. Nos planètes, d'habitude, je me l'écris, là. Voyons, Véronique, où étais-tu passée? Proxima du Centaure. Proxima du Centaure. C'est une naine rouge, l'étoile la plus proche du étoile. Système solaire. Bon, étoile. Mon guess était bon. Donc, Proxima du Centaure est située à 4 années-lumière de nous. Ce qui est intéressant en pensant à Proxima du Centaure, c'est que ça nous fait faire en plus un voyage dans le temps, parce que la lumière qui nous provient d'elle a été émise il y a 4 ans. Ben, c'est ça l'affaire la plus intéressante, c'est vraiment l'aspect temporel de ça, retard, ça. Le délai qu'il y a tellement c'est loin. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment bizarre. Fait que elle pourrait plus être là, puis avoir explosé ou implosé, peu importe, depuis, on va dire, 2 années-lumière, puis là, ben on va juste le savoir... Plus tard. Ouais. Ce sera pas nous autres. Donc, voilà pour les années-lumière. Maintenant, techno. Techno. Arrobas. Oh, le A commercial. Oui. Qui servait à d'autres choses avant. Il était déjà sur le clavier. On lui a donné l'utilité d'être un A commercial pour les courriels plus tard, si je me rappelle bien l'histoire. Ben, en fait, moi, je veux surtout vous dire d'où que ça vient, ça, que son utilisation, qui va venir un petit peu plus tard. Okay. Il y a, en fait, comme toutes les inventions, 4. Bien, il y a souvent plusieurs hypothèses. Dans le cas de l'arobase, il y en a 4. Donc, la première hypothèse nous vient des historiens qui pensent, eux, qu'au Moyen Âge, les moines copistes et les scripteurs utilisaient des raccourcis pour gagner du temps, comme on le sait, du temps et de la place. À la longue, parce qu'on sait qu'à la base, plus ils mettaient de lettres, plus ils étaient payés. Donc, ça, c'est à la longue. Là. Bon, il fallait bien qu'ils vendent leurs services. Donc, s'ils n'utilisaient pas de ligature ou de... qui n'arrivaient pas à tronquer des mots, ben là, ils coûtaient trop cher. Donc, ils ont créé la ligature de la préposition latine « ad », « ad », qui signifie « vers » ou « à », par le « a » commercial. Donc, mais on trouve pas de manuscrit dans lequel il y a des « a » commercial. Okay. Hypothèse numéro 2 du côté des typographes. Donc, eux qui pensent que leurs confrères et les imprimeurs de la Renaissance utilisaient ce qu'on appelle le « aron bas de casse okay. », qui est le « a minuscule, minuscule ». Je vais commencer à dire ça. Le « aron bas de casse », c'est le « a minuscule ». Mais on ne retrouve pas de reproduction de livres imprimés avec un « a » comme ça. Hmm. Du côté des commerçants espagnols, on dit que les Arabes utilisaient le « araba », qui voulait dire « quatre », ou le « roub », qui veut dire « corps », qui ensemble faisait « arroba », qui ressemble à « arroba ». Ça, c'était utilisé pour indiquer le prix de la marchandise. Du côté des commerçants américains, on utilisait aussi le symbole du « arrobas » pour indiquer les prix de différentes marchandises. Là, donc, 35 $ la pièce était annoté 6 cher à commercial, 23. Bon, je ne sais pas pourquoi, là, mais dans le temps, c'était ça. C'est en 1972, Ray Tomlinson, j'en ai déjà parlé de ça à Internet, donc lui, qui était un ingénieur pour Bolt, Beranek & Newman, donc BBN, qui est la firme qui sert de support à la première version d'Internet, et inventeur du logiciel de messagerie électronique, qui a décidé d'utiliser le A commercial pour relier le nom du destinataire avec la boîte aux lettres à laquelle il appartient. Son réseau. Donc, on est revenu, si on veut, avec ça, à l'origine latine du ad, qui voulait dire vers ou à. Donc, voilà. Saviez-vous que le... sais-tu que l'arobase a plusieurs sobriquets? Ah non, je savais pas. Ouais, moi non plus. Non. Ben, j'en utilise aucun, tu veux. On utilise rarement le mot arobase, déjà, pour commencer. Ben de oui. De nos jours, c'est rare qu'on commercial. Ouais, c'est ça. Ou at. At, simplement. At, c'est ça. Donc, on peut dire Klammerraff en allemand. Ben oui, ben oui. Hein, pourquoi pas? Qui veut dire singe araignée. OK. Ah, oh, c'est cute. On va savoir. On dirait un singe avec une petite queue qui fait le tour d'une main. C'est vrai. Oui, oui, quand même. Du côté des Finlandais, en finnois, on dit miaou. Miaou. Queue de chat. Ah, c'est cute. Miaou. Une queue de chat, c'est encore plus queue beau. De chat. Oui. Et aussi, du côté des Néerlandais, on va dire... Là, mon Néerlandais date, là. On va dire apestaart. Qui veut dire queue de singe. Lui aussi, ben ouais. Ouais, fait que c'est tout animal, des animaux. C'est ça. J'étais quand même surpris d'apprendre que arrobas, apparemment, s'écrit A-R-O-B-A-S-E. Oui. Je pensais qu'il y avait deux S. Ouais. Et c'est un nom féminin, je savais pas oui, ça. Oui, une arrobas. C'est cool. Et je savais pas qu'il y avait un A commercial minuscule et un genre de plus pleine, il appelle ça pleine chasse. Donc, t'as comme un A minuscule, donc un genre de petit A avec la queue autour, et t'as aussi un A plus grand avec sa queue autour, qui sont deux symboles différents, par compatibilité avec les codages utilisant les caractères à pleine chasse. Oh boy. Je ne savais pas. Ah, ça m'intéresse, parce que j'allais voir la page en même temps que tu t'en parlais, ça m'intéresse trop. Ben oui, je comprends donc. Puis, je me suis toujours demandé, dit-on arrobas, parce qu'il n'y a pas de S ou arrobas? Ah, oh, c'est un très très bon point. Attends, hein. Je crois que sur Wikipédia, t'as la petite phonétique. Il n'y a pas l'air d'avoir le son, par contre. Arrobas. J'aurais aimé s'il y avait eu le son. Je dirais un entre-deux. Tu sais, c'est pas arrobas ni arrobas, mais arrobas. Ouais. J'aurais tendance, étant donné la façon que c'est écrit, de dire arrobas aussi, mais j'ai toujours entendu arrobas. Ouais. J'imagine qu'il y a des gens qui le disent, on fait leur recherche. Une émission de télé qui s'appelait arrobas dans le temps. Ah, ouais. Une émission d'informatique. Ah, ben. Ouais. Intéressant. Dernier sujet complet avant de faire un petit peu de vocabulaire, oui. Hein, comme j'aime toujours. L'autruche. Mais on pouvait pas s'en sortir. Ben, avant de vous parler de l'autruche en tant que telle, quelques caractéristiques intéressantes que j'ai trouvées sur elle, à part qu'elle a un long cou, là. Est-ce que l'autruche enfonce vraiment sa tête dans le sable? J'imagine que si tu me poses la question, c'est que c'est non. Sûrement que ça donne l'illusion de s'enterrer là. parce qu'il y a une butte de sable devant elle, je sais pas trop quoi, puis ça cache sa tête, je sais pas. Oui, en fait, c'est une illusion, puis c'est surtout une caricature de plusieurs comportements que l'autruche a qui nous donne l'impression qu'elle enfonce sa tête dans le sable. Par exemple, quand l'autruche pond ses œufs, elle les enfonce dans le sable, dans une butte de sable, puis pour débarrasser ses œufs là, des petits lézards, puis des insectes qui vont là, ben elle va rentrer sa tête dans le trou une fois de temps en temps pour aller enlever les bibittes là, qui se retrouvent là. Fait qu'on la voit des fois qui s'enfonce sa tête dans le sable, mais souvent, de ce comportement-là, bon, qu'on pense que l'autruche en terre ou rentre sa tête dans le sable, c'est que comme l'autruche est un des plus grands animaux, hein, qui des plus grands oiseaux qui vit sur terre, un plus grand des animaux, ben pas tellement, non. Pour tenter d'échapper, comment qu'on appelle ça, aux prédateurs, eh boy, hein, je te dis, chasseur, un mot là, aux chasseurs. Elle va essayer de se camoufler dans les longues herbes. Donc, elle se couche au ras du sol, puis là, ben, il y a sa tête qui dépasse. Fait qu'elle va essayer de coucher sa tête et son cou le plus proche du sol possible, ce qui nous donne l'impression que elle cache sa tête dans le sable. C'est un quiproquo, un imbroglio. Oui, c'est ça. Donc, l'autruche, ça fait vraiment longtemps qu'elle existe, hein, sur la Terre. Aristote en parle dans ses premiers et deuxièmes livres intitulés « Partie des animaux ». OK. Et dans son livre 2 de Génération des animaux. Et Pline l'Ancien, qui a beaucoup copié Aristote dans ses livres. C'était un copieur. Fait que dans ce temps-là, le plagiat, c'était pas. De toute façon. Il n'y a pas de Google pour vérifier, copier-coller des phrases pour savoir si c'est copié. Ça a été long avant qu'il amène ça. Donc, lui, dans son livre 10 de l'histoire naturelle, considère que l'autruche est le point de passage entre les mammifères et les oiseaux. Okay. Parce que c'est pas un oiseau qui vole. Ça a des ailes un peu, non? Ça a pas de... Oui, ça a quand même des ailes. Mais dans le cas de l'autruche, le vol a été remplacé par la course. Ah, OK. Donc... Et le planage à l'arrivée pour se ralentir la course. Peut-être que historiquement, l'autruche volait. Mm-hmm. Mais ça, je ne l'ai pas trouvé. Donc, justement, la course... Donc, l'autruche est capable de courir à 40 km/h pendant 30 minutes. Mm-hmm. Fait que c'est quand même pas rien, elle doit avoir un bon cardio. Est capable de faire des sprints de 70 km/h de façon générale, mais même jusqu'à 100 km/h sur des courtes distances, ce qui est plus rapide que la lionne. Ah ouais. Quand même, c'est pas rien. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que l'autruche est une habile sauteuse. Okay. Elle peut sauter 1,5 m de haut et surtout 4 m de long. Aïe! C'est quelque chose, hein? Fait que si tu fais attaquer par une autruche, là... Attention! Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire, parce qu'à vitesse qu'elle court, de toute façon, ben, ça attaque des autruches, quand même, là, c'est territorial. Donc, ça doit être assez spécial comme rencontre. C'est beau, j'aime ça, je trouve ça beau, les autruches. C'est comique! C'est cute! Moi, je trouve ça drôle, surtout. Le petit de l'autruche s'appelle l'autruchon. Ah ben! C'est-tu mignon? C'est ben trop beau, ça. Je trouve ça beau. Un autruchon. Ben oui! Comment distinguer le mâle de la femelle? Je sais pas. La couleur de ses plumes. Ben oui! Hey, t'es en feu aujourd'hui! C'est pas. Donc, le mâle, le plumage, c'est celui qu'on voit le plus, noir avec le bout des ailes blancs. Tandis que la femelle, c'est tout brun terne. Bon, c'est souvent le cas. Là, dans les oiseaux, là, les femelles sont plus ternes. Si tu regardes les chardonnerets ou les roselins, là, qui sont jaunes, puis la femelle, bon, un peu jaune, mais pas tant. Un œuf d'autruche peut peser entre 1,2 et 1,8 kg. Okay. C'est donc le plus gros. Des œufs parmi les oiseaux. Ça se mange quand même, sans, non? J'imagine que oui. Oui, sûrement. Et ce qui fait de lui, en tout cas de ça, la plus grande cellule du règne animal. Donc, quand même. La course, donc comme je t'avais dit, a remplacé le vol. Là, je me répète, là, c'est parce que j'ai vu ma note. Mais l'autruche ne vole pas. Important à se rappeler. Je fais la même chose. Le plus gros œuf du monde. Puis là, je vois des vidéos de gens en train d'en manger, de se mettre au défi d'en manger. Comme l'œuf d'oie, ce n'est pas le meilleur œuf du monde en termes de goût, mais l'expérience vaut le détour. Des producteurs, il y en a un peu partout dans les différentes régions du monde. On vous conseille d'essayer au moins une fois cet œuf ultime. Donc, ça se mange. Bon. Fait que des œufs, ça goûte pas juste. Ça goûte pas toutes les œufs. On en apprend des choses. Ben, écoute, hey, puis je viens de me rendre compte, j'ai encore trois mini-sujets pour vous avant les vocabulaires. Hey. En bref, l'ADN. Oui. Acide désoxyribonucléique. Oui, hein, c'est bon, quand c'est même. Ça. L'ADN d'une seule cellule aurait combien de long? Tu sais, en termes d'unité de long, mesure. Des années-lumière. D'une cellule, juste d'une cellule. OK. 0,00001 micromètre. Non, l'ADN, c'est vraiment long. L'ADN d'une seule cellule, s'il était tiré de tout son long, aurait plus de 2 mètres. Ah oui? D'une seule cellule. Huh. Donc, comme le corps humain contient de 16 à 32 milliards de kilomètres... de billions cellules? De... Le corps humain contient des billions de cellules. OK. Donc, 16 à 32 milliards de kilomètres d'ADN. Dans notre corps? Dans notre corps. Wow! C'est quelque chose. J'aurais jamais pensé. Où est-ce qu'on met ça, coudonc? Hey, dans ma bédaine. Ça quand même. Ça doit tout être dans les intestins. Ça, c'est roulé. C'est roulé. C'est ben du suite au long. Quand même long. C'est ça. Pourquoi dit-on « à vos souhaits » quand on éternue? Ça doit venir, je me reprends, d'une raison religieuse, j'imagine, parce que en anglais, on dit « bless you » comme dans « soyez béni ». Ben oui, exactement. Moi, je vais au hasard, j'ai aucune idée. Oui, ben c'est devenu ça. C'est devenu ça, OK. Oui. À la base, on pensait que, ben, éternuer, ça peut être considéré comme un bon ou un mauvais présage. Okay. Certains pensaient que quand on éternuait, l'âme pouvait quitter le corps. Oh. Fait que c'est dangereux. D'autres pensaient que quand on éternuait, on expulsait un démon. Donc, ou encore que quand on éternuait, le diable pouvait entrer dans notre bouche. Wow. Donc, c'était pas super cool, éternuer. Non, hein? Par contre, il y en a qui pensaient que c'était plutôt un signe de chance. Les Grecs, eux, pensaient que quand on éternuait, ça révélait la présence d'un esprit divin. Hmm. Alors là, on pouvait lui adresser un vœu. D'où le « à vos souhaits ». OK. Et dans cette continuité-là, dans la crainte d'un mauvais présage, parce qu'on pensait tout le temps que c'était bon ou mauvais, les peuples de l'Antiquité souhaitaient à la personne qui avait éternué que Jupiter la conserve, ce qui okay. est devenu, avec les chrétiens, que Dieu vous bénisse. Ouais. De bless you. Je savais pas qu'on disait ça en français. Anglais. Oui. Savais-tu en allemand Gesundheit? Gesundheit. Ça veut dire santé. Santé. Santé. Ah ben non. Comme cheers. Fait que quand ils font cheers, ils disent quoi, les autres? Ouais. Ils disent à vos souhaits en français. Quand on le traduit, je sais pas. Ils sont toutes mêlés. Bon. Gesundheit. Vocabulaire en bref. Vocable. Hein? Le dernier petit vocabulaire en bref. Que veut dire. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Bon. Que veut dire assessance? Assessance, c'est comme assaisonner d'essence. Donc, ça, c'est quand tu mets ton gaz sur le toit de ta voiture. Non? C'est un nom féminin. OK. Ça veut dire tendance à devenir acide pour une boisson qui est fermentée. Hein, des fois, du jus qui est fermenté ouais. ou de la bière ou du vin peut devenir plus acide. Oui, c'est vrai. Que veut dire acmé? Acmé, c'est comme faire de l'acné, mais que tu commandes à la compagnie Acmé dans Roadrunner, évidemment. Ben donc, oui. Donc, ça, des faux boutons. Hey, acmé. Ben, le vrai mot acmé là, qu'on utilise dans la langue française, c'est un nom qui est à la fois masculin ou féminin. Donc, un hybride. Ouais. Qui signifie un point culminant ou une apogée. Ah. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, acmé Looney Tunes, hein, c'est sûr, il fallait que j'aille voir ça. Saviez-vous que ce mot-là, acmé, avait 3 significations? On choisit laquelle qu'on veut, là, finalement. Soit American Company Making Everything. Ça a pas mal tout le même sens. Compagnie américaine qui fabrique tout. Qui donc. Fait tout. Ouais. A company that makes everything, ouais. donc même affaire. Ou another company making everything. Ça revient pas mal tout au même. C'est le coyote hein, qui utilise beaucoup les produits Acme pour piéger le Roadrunner. Et les Animaniacs aussi, avec les laboratoires. Tout l'environnement Acme, Warner Brothers, en fond. Donc, ouais. très, ça m'a rappelé plein de souvenirs quand j'ai vu ça, ce mot-là. Mais c'est vrai que la définition a un sens, parce qu'en tant que tel, tu disais, c'était. C'est quoi la définition? Point culminant. Point culminant. Apogée. Un gros bang. Ça faisait tout le temps, c'était tout le temps de la dynamite ou des caisses, un enclume ou des trucs comme ça. Oui, oui. Ouais. Ça a du sens. C'est ça. Ouais. Un autre mot, un nom masculin, albugo. Albugo. Albugo. Il est dur, celle-là. Qu'est-ce que c'est ça? Attends un peu. Ça, c'est quand... tu sais, quand tu finis ton lendemain de veille. En tout cas, hier, moi et ma blonde, en tout cas, moi, ma blonde a albugo, là, albugo. Tu sais, elle a bu beaucoup. Ben, ouais, ouais. Non. Pas totalement. Non. Donc, tache blanche qui se forme sur la cornée ou sur un ongle. Yark. C'est un albugo. C'est dégueulasse. Moi, je fais juste m'imaginer un ongle de pied ou un ongle de main en train de se faire enlever, puis j'ai comme un haut le cœur. Un petit gag. Ouais, c'est ça, un petit gag order. Ouais. Un nom féminin. Que signifie anosmie? Anosmie. Anosmie. Ça, c'est quand tu perds tellement de poids que tu finis par perdre tes os et là, tu deviens que de la peau. Ah. C'est d'une anosmie que t'as. Ben, j'aimerais ça que tu fasses un dictionnaire de même, des fois. Tu sais, définitions qui font bien du sens. Prenons, à part pour albugo, j'étais pas pire. Quand même. Ben, ça signifie diminution ou perte complète de l'odorat. Ah, l'odorat. Ouais. Et finalement, un autre nom féminin, que signifie aposiopèse? Apociopèse. Parce que quand tu dis à cette fille-là, finalement, elle a perdu ses os, elle n'est pas si grosse que ça, elle n'est pas si obèse que ça, elle spéciopèse, c'est ça? Elle n'est pas si obèse que ça. Apociopèse signifie, en rhétorique, l'interruption d'une phrase par un silence brusque. Hein, on était pas pire timé dans ce coup-là. Là. C'était un coup monté, ça. On l'a même pas pris quand de la main. Même. Donc, t'es en train de parler, puis là, t'arrêtes. Mais moi, pas au défi de le faire deux fois, dis. OK. Bon, ben voilà. Donc, le A du vernictionnaire est maintenant complété. Et c'est tout pour le vernictionnaire au complet. Oui! Bon, ça va faire. Tout ça pour dire, comme on l'a dit au début de la chronique, c'est pas la fin du vernictionnaire au complet. On a fini, on a fait la lettre Z il y a quoi, deux ans environ, un an et demi, deux ans. On est venu jusqu'à la lettre A, petit peu par petit peu. Là, on ferme le vernictionnaire pour ouvrir une encyclopédie des connaissances humaines prochainement à l'émission. Donc, on en reparlera éventuellement. Oui. Ça reste un projet qui se mettra en branle un jour. Eh oui. Espérons-le. Merci Véronique Mire pour ta collaboration à l'émission depuis les dernières semaines, depuis ton retour. Ben oui, parce que c'est sûr que je vais revenir là. Oui. C'est juste que... On sait pas quand. Tu sais, c'était peut-être autant. On sait pas. On s'en reparle, ouais. Nous, de toute façon, en ronde, mais c'est sûr qu'on va te revoir. Donc, on te dit pas adieu, on a dit que au revoir, Véronique Mire. Ben oui. voilà, donc vous êtes toujours à Assemblage requis. Nous, on va continuer avec une pause qu'on était supposé se prendre tantôt. Et puis moi, je reste ici, là. Oui, tu restes parce autour de la pause, c'est une grosse pointe d'adresse pour le reste de l'émission. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fait, 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Toujours à Assemblage requis pour la semaine du 18 avril 2016. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, comme Tania Beaudin n'est pas là, j'ai gardé Véronique Mire avec moi. Oh oui! Oh oui! On va faire une grosse pointe d'adresse dans quelques instants. Avant ça, par contre, une petite chanson parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu de musique. Donc voici, du côté francophone, Mordicus et ses nuits blanches. Puis après ça, on va boire! Igloo, igloo, igloo. Si tu trouves que le temps file, il faudra quand même se lever demain matin. Si tu trouves qu'il se fait tard, j'arrêterai le temps. On vivra encore et encore. Chaque fois que l'on s'endort et que nos cœurs battent un peu trop fort, vivre la nuit comme si c'était un rêve ou tout Mordicus, c'est la pièce C'est Nuit Blanche en 7e position du palmarès francophone. Non, merci, les applaudissements me font toujours du plaisir. C'est merveilleux. Plaisir. Donc, vous êtes toujours à Sondage Rocky. Comme j'ai dit, j'ai gardé Véronique Mir. Oui. Parce que notre prochaine chronique, c'est la préférée de tous et chacun. Voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse à la chronique dans laquelle on mange un produit acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, un produit qu'on appelle du tiroir. C'est des produits qui finissent dans le tiroir pour les manger ou les boire plus tard. Aujourd'hui, et un peu comme la semaine passée, en fait, si vous étiez là, on avait goûté quelque chose qui se buvait. Et on n'avait pas super gros aimé la semaine passée, c'était des drinks d'énergie. C'était supposé être un frappé à l'orange, mais ça goûtait juste le fade, si on veut. C'était pas très bon, on a mis le pouce en bas, donc je me suis dit qu'on va se rattraper avec quelque chose d'autre à boire. Et c'est un produit qu'on a déjà mentionné dans la chronique. Et qu'on avait dit que si ça arrivait sur le marché canadien, qu'on allait l'essayer le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai mis un ice pack dans mon sac. J'espère que ça va être assez froid pour y goûter et qu'on aime ça. C'est le nouveau Pepsi au gingembre. Oh, c'est en belle fun. On n'avait pas le choix, pour vrai. C'est en épicerie un petit peu partout. Et ça m'a l'air assez tentant. Il y a même un petit symbole asiatico. Oh là là, semi-chinois, japonais, de je sais pas trop. C'est mignon. Donc, c'est Pepsi cola au gingembre, fait avec du vrai gingembre. C'est ce que ça dit à côté du petit signe asiatico quelque chose. Donc, teneur en caféine, ça nous dit 63 mg par 591 ml, qui est la bouteille au complet. Il n'y a pas de portion là-dedans. Parmi les ingrédients, bon, de l'eau gazifiée, du glucose, fructose et ou sucre. C'est ce qu'on avait dit dans la chronique l'autre fois, c'est que c'est fait avec du vrai sucre et non pas de l'aspartame ou quelque chose. Ah. Donc, ça devrait goûter plus près de la vraie recette de Pepsi. Oh, hein? OK. Donc, ensuite, on a du colorant caramel pour le rendre brun. Mm-hmm. L'acide phosphorique, arôme naturel, extrait de gingembre. Comme on l'a dit, c'est fait avec du vrai gingembre. Citrate de sodium, caféine qui apparaît en avant-dernière place et sorbate de potassium. C'est fabriqué par Pepsi-Cola, même que sur le côté de la bouteille, on a le logo d'origine de Pepsi-Cola, là, celui qui ressemble plus à Coke, finalement, qui est un petit peu plus vagué. Car, c'est quoi déjà? C'est-tu halal ou l'autre, c'est quoi? Cachère? Cachère, ouais. C'est cachère, car. Fabriqué par Pepsi-Canada à Mississauga, en Ontario. Recyclable, facebook.com/Pepsi, ça c'est nouveau. Il est en spécial au dépanneur à 2 pour 4$, mais ça fait pas partie de l'étiquette d'origine. Je pense que c'est tout ce qu'il y a comme information. La bouteille est un petit peu, je crois que les bouteilles de Pepsi sont toutes comme ça, torsadées sur les côtés. Il y a des petites formes pour mettre les doigts, pour en tenir comme il faut la bouteille. Côté apparence, l'étiquette au lieu d'être bleue, elle est un genre de brun, mais un joli brun. Ouais, brun, oh, brun cuivre, on dirait cuivre. Hein? Très à la mode, ça fait iPhone 6. Voilà. Le bouchon est la même couleur, donc on peut pas vraiment se tromper. C'est un peu comme aux États-Unis, quand on avait parlé de cette liqueur-là, eux, ils la faisaient en plus petites canettes, les petites canettes minces. Et c'était tout noir avec du doré en écriture dessus. C'était vraiment très cute. Oh. Au Canada, on a choisi de prendre un chemin complètement différent avec la bouteille brune cuivrée. Voilà. Bon, ouais. Pourquoi faire pareil? Ben voilà, pourquoi faire pareil? Je te passe la bouteille dans le corridor sécuritaire de C'est fou où les dégâts sont impossibles. Et tu vas utiliser le micro magique pour nous faire entendre le son de l'ouverture de ça. Je t'utilise à bon escient aujourd'hui, Véronique Mir, comme la fin. Je vais essayer de ne pas faire de splouche. J'espère. Moi, je suis malchanceuse avec les bouteilles de liqueur. Mais tapote-la sur le dessus, à tous les côtés. Fais des petites... Ah oui, ça marche. Ouais, moi, ça marche tout le temps. Ça, c'est peut-être la psychologie. Ça fait tout le temps plein de bulles puis de machins. Il faut que je fasse une incantation magique puis tout. Pepsi. Bon, donc, j'ouvre la bouteille. Vous êtes prêts? Oh! J'ai enlevé pas mal d'air, là, je pense. Et crouche. On va verser dans un verre. On verse maintenant. C'est la première fois qu'elle fait ça sur le micro magique. Hein, on peut dire. Wow. T'as du talent. Tu verses bien. Hey, j'ai pas fait de colle. Non, c'est ça. Est-ce que tu te verses un verre? S'il te plaît, oui, tu peux me verser un verre en tant qu'affaire. Est-ce que je l'avais pris de mon côté? Oui. Attends, je peux te lancer le verre? Ça te va? Oui. Yeah! On fait de la bonne radio! Mais quand même! Le micro magique, là, c'est bon. C'est ça. Le micro magique. On entend le quand même. C'est assez impressionnant. Merci, Véronique. De rien. Il en reste un petit peu dans la bouteille. Super. Donc, est-ce qu'on y va avec l'odeur en premier? Tu peux reprendre ton autre micro si tu veux. OK. Ma chère. Donc, on sent un petit peu pour voir si le gingembre est présent. Okay? Oh là là, quelle excitation. Oui, on sent le gingembre. Et vraiment, là? C'est même très puissant. Je me demande même si je vais aimer ça, parce que j'aime la liqueur ginger. Est-ce que t'aimes le ginger ale? Oui. Moi aussi. Mm. Mais le ginger ale ne goûte jamais vraiment le gingembre. C'est vrai. Même si c'est fait avec du gingembre. Si t'as déjà goûté des sodas gingembre, saveur, genre, formule d'origine de ginger ale, comme à l'époque, ça goûte beaucoup trop le gingembre pour moi. J'ai jamais aimé ça. OK. J'aime la version plus sucrée de gingembre. J'ai hâte de voir. Mm. On goûte? Oui, on goûte. Ginger. Il pogne un peu le gingembre, hein? Ben oui, mais déjà, j'ai l'impression que j'ai plus le rhume. Non, mais j'avais pas le rhume avant. J'avoue que c'est bon pour le rhume. Je me disais que oui, quelqu'un qui est malade, tu sais, achète pas de sirop, achète du Pepsi au gingembre. Hey, ça me sort par les yeux, quasiment. Je trouve qu'il est fort, le gingembre. Ça goûte beaucoup le gingembre. Ça goûte pas le ginger ale du tout? Non. Je trouve pas, en tout cas. Moi, je le vois vraiment comme un mélange entre la recette d'origine du soda gingembre. Si vous avez déjà goûté à ça, vous savez ce que c'est. Mélangé avec un petit peu plus de sucre encore. Non, le Pepsi est pas tellement présent. J'aurais pu ne pas avoir le logo de Pepsi, j'aurais pas dit que c'était du Pepsi. Ça goûte pas le Pepsi. Non, si tu m'avais donné ça là, sans me dire ce que c'est, j'aurais dit « Mais ça goûte le gingembre, on peut pas... » Et l'arrière-goût reste. Ça reste dans l'œsophage, ça va jusque dans mon estomac, dans je pense. Dans le nez, là. Ouais. C'est, comme je disais, ça avait pas été Pepsi. Si, mettons, le liquide avait été transparent, s'il n'y avait pas eu le colorant caramel, il n'y aurait personne qui aurait deviné que c'était du Pepsi. Tout le monde aurait dit que c'était une petite micro-brasserie de soda en épicerie. Non, ça goûte pas le Pepsi. La recette est réussie, je trouve. Peut-être quand les bulles s'en vont, peut-être ça goûte un petit peu plus le Pepsi ou je sais pas trop. Peut-être. Le goût est... parce qu'on sent que c'est sucré avec du vrai sucre, ça goûte pas le diet. Mais c'est pas si sucré que ça. C'est quand même... pas fade. Non. Mais j'irais moyennement sucré. C'est plaisant. Oui, parce que t'as pas, tu sais, des fois, tu bois du Pepsi pis t'as comme toute la bouche pâteuse à cause du tic, mais là, non, on dirait que... Ça se tient, c'est correct. Je sais pas si c'est le genre de chose qui va pogner tant que ça. Moi, je crois pas. C'est un petit peu trop particulier comme goût, le gingembre. C'est pas pour tout le monde. Non. Donc, Pepsi sort ça, je me demande si ça va avoir du succès. Mais ceux qui aiment le gingembre, là... Allez-y, ça goûte vraiment gingembre. Mais tu sais, mettons, buvez pas ça avec des sushis que vous avez du gingembre avec. Parce que ça va être too much gingembre. Peut-être, ouais. Tu sais, comme moi, j'ai bu deux gorgées, je suis satisfait, j'arrêterai là, tu sais. Je vais en garder pour plus tard, mettons. Ça va hydrater. Mais je me dis que ça doit être peut-être un petit peu plus santé que le Pepsi. Tu penses, vu que c'est du vrai sucre, hein, et non de l'aspartame? Puis du gingembre, c'est bon pour la santé, ça fait digérer. Peut-être. On n'est pas supposé regarder les calories, mais il doit y avoir pas mal de calories là-dedans. C'est gris? Hein? Ouais. Attends. Oh my god. Oh my god, je savais 230 que calories. Hey. Fait que attends, on va jouer à tag tout à l'heure. C'est ça. Au moins, on a bu chacun la moitié de la bouteille. Ben oui. Bref, moi, je mets mon pouce. Je sais pas où me le mettre, le pouce, aujourd'hui. Oh boy. Moi, j'ai le ventre chaud. T'as pas de ventre chaud, toi? Oui, mais pour vrai, ça me donne chaud. J'ai l'impression de suer plus. Moi, j'ai comme toute la ventre, t'en dirais, waouh, je sais pas quoi. C'est puissant, le gingembre. Wow. Oh, c'est du gingembre ou c'est du ginseng qu'il y a là-dedans? Ça se peut. Mais j'avoue que, vu qu'il y a de la caféine pas mal là-dedans, ça peut en plus nous donner un petit boost, le côté battement cardiaque. C'est peut-être ça. Peut-être. Le mélange entre le gingembre qui est en feu et la caféine qui nous fait aller du cœur, qui donne la sueur. Hmm. Je sais pas, mais ça serait rapide comme moi, je dirais un pouce moyen, mais tu sais, comme sur l'adrénaline, là, tu sais, qui fait. Tu sais pas de quel côté s'en aller. J'aime l'image. Un petit pouce qui shake sur le côté de notre part, tous les deux. Maintenant, les nouvelles de fast-food pour compléter la chronique. Oh. Allons-y avec Totino's Pizza. Si tu connais, c'est quand même assez classique, les petites pizzas genre au micro-ondes que tu fais pour collation. Oh mon Dieu, oui. Totino's Pizza qui sont maintenant rectangulaires et qui viennent en sac. Donc, c'est supposé réduire le gaspillage côté emballage. Donc, Totino's Pizza qui sont maintenant rectangulaires au lieu de rondes. Et qui vont maintenant venir dans des sacs de plastique personnalisés pour emballer à l'intérieur de la boîte à la place d'un emballage de carton. Personnalisé. Ah, tu veux dire une pizza par sac, c'est ça? Je crois que c'est ça et je pense que ça veut dire aussi qu'ils sont faits sur mesure. Ouh. Donc, selon la marque, les pizzas vont rester de la même grandeur lorsqu'on compte en tant que telle la superficie, 57 pouces carrés, avec la même croûte et les mêmes garnitures, mais dans une forme différente. Il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Ils disent que la nouvelle forme va dire qu'on va pouvoir en mettre plus dans le congélateur et que ça va être exactement de la bonne grandeur pour mettre une à côté de l'autre sur une plaque à cuisson. aussi, ça va entrer dans les fours grille-pain plus petits que les autres. Donc, que d'avantage pour les Totino's pizzas. Mm-hmm. Ensuite, Pizza Hut qui amène les nœuds à l'ail garnis de fromage à l'intérieur. Donc, un peu comme la croûte à pizza chez Pizza Hut, ça va être en bouchée à la place. Oh mon Dieu! Oui, donc les nouveaux Stuffed Garlic Nuts sur leur menu à 5$ aux États-Unis. Évidemment, on va voir ça venir ici. une commande contient 10 petits nœuds à l'ail avec du fromage fondu un mélange de beurre à l'ail à l'intérieur, du parmesan, hein, et des herbes italiennes avec de la sauce marinara pour tremper. My God! Oh, oui. Donc, les nœuds venaient à la base dans la Stuffed Garlic Nuts Pizza, qui est une pizza avec des nœuds autour. Ah oui! Donc, on les a enlevés de la croûte pour faire seulement... Ah, miam, miam, miam, miam. C'est génial. Donc, comme le reste de leur menu à 5$, on peut commander ça pour 5$ et en commander 2 ou plus dans le menu. Sinon, ça coûte 6$ par, juste pour les nœuds. C'est quand on les prend avec plusieurs articles à côté que ça coûte 5$ par. Ah oui, oui, oui. OK. On se comprend. Ensuite, on vous demandait de résoudre 3 problèmes de mathématiques assez difficiles pour la journée de Pi qui était le 14 mars dernier pour gagner 3,14 années de pizza gratuite, en fait, chez Pizza Hut encore. Combien d'années t'as dit? 3,14 années. Ben oui. Évidemment. Hein. Donc, le mathématicien génie, donc John H. Conway à l'Université Princeton, a trouvé 3 problèmes de mathématiques difficiles. Donc, ils se sont présentés sur le web à 8h du matin, ces problèmes mathématiques-là, sur le blog de Pizza Hut. Et la première personne qui postait les réponses correctes aux 3 dans la section des commentaires gagnait 3,14 années de nourriture pizza gratuite. Et Super Size Me a été filmé après ça. Hein? Voilà. Donc, 3,14 années de pizza gratuite, ça veut dire 1 600$ environ en carte cadeau pour un consommateur moyen de pizza. Juste ça? Ouais. Quelqu'un qui mange beaucoup de pizza, je pense. Ah ouais. Donc, pour en savoir plus sur le professeur de Princeton dont on a parlé tantôt, allez voir son livre, le livre de 2015 qui s'appelle Genius at Play, The Curious Mind of John Horton Conway. Ensuite, on parle de Bazooka version Crunchkins. C'est des bonbons à saveur de bonbons Bazooka. On peut dire quand même, ça s'appelle les poppers. Un peu comme les bulles, les Maltesers, des trucs comme ça. C'est des petites bulles qu'on peut manger qui sont croustillantes à l'extérieur, mais molles à l'intérieur, mais de la marque Bazooka. Donc, c'est plusieurs saveurs. Fling Flang Wazzly Doos. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop. Donc, poppers, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de ça? Il y a 3 saveurs. Donc, gâteau de fête, brownie fudge et beigne glacé. Ben là. Ouais. C'est quoi le rapport avec Bazooka? Je sais pas en fait. Bazooka, c'est la gomme, genre? Ben oui, c'est ce que je pensais aussi. Attends un petit peu. Donc, à l'extérieur, la coquille est un petit peu plus mince que M&M, dit-on, qui donne une saveur distincte. Le centre est croustillant. Qui ressemble un petit peu à des M&M Crispies, plus que des Maltesers, comme on a parlé tantôt. Ça goûte un petit peu cheap, qu'ils disent. Il aurait préféré le goût des Whoppers, tu sais, les bulles encore de Whoppers, là, un petit peu comme les Maltesers. Oui. Et puis, il dit que, sur l'article de TheImpulsiveBuy.com, il dit que la saveur gâteau de fête était la meilleure. Saveur qui est un petit peu vanillée. Mais sinon, je vois pas le lien avec Bazooka. Je crois que c'est le nom de la compagnie en tant que... Ouais, hein? Ça a peut-être changé avec le temps. Ils se sont développés, ouais. Sûrement. Ça s'appelle les Crunchkins aussi. Ah ben, je sais pas si il va y avoir des petites BD. Ouais, c'est ça le mystère derrière ça. La pizza au la pizza au spaghetti maintenant chez Chuck E. Cheese. Donc, la nouvelle pizza spaghetti and meatball. Oh. Exactement ce qu'on pense. Donc, c'est une croûte faite à la main avec des nouilles spaghetti, bien sûr, de la sauce marinara, du fromage mozzarella et des boules de viande, donc, c'est disponible en plusieurs grandeurs chez Chuck E. Cheese aux États-Unis jusqu'au 30 juillet 2016. Ouais, c'est un peu comme manger un bâton de pain, un bâtonnet de pain avec ta pizza. Mais chez Stratos, là, la pizza, il y en a une pizza. Non. Pizza spéciale Stratos, ou en tout cas, moi, j'en ai mangé souvent là-dessus. C'est vraiment une pizza avec du spaghetti. Dedans. Puis c'est gratiné. Ouais. C'est vraiment bon. Est-ce que t'as des boulettes de viande? Non. Ah! Non, il n'y a pas de boulettes. Il n'y a pas de boulettes. C'est ça la révolution. Ensuite, PFK qui offre une garantie de goût. Donc, PFK garantit qu'on va aimer leur pizza. C'est un petit casquette publicitaire qui s'appelle la recolonialisation, un peu comme la... En tout cas, le colonel, on comprend là-dessus. Qui était peurant, le nouveau, ça, d'ailleurs. Mais ça, ils ont changé. C'était ça leur twist de marketing récemment. Il y avait plusieurs acteurs qui jouaient le colonel. Puis à chaque fois, ils disaient « Ah non, mais l'autre, c'était pas un vrai, c'est moi le vrai. Puis l'autre, c'était pas le vrai, puis c'est moi le vrai. » Plein d'acteurs connus qui ont joué le colonel. Mais là, ça s'appelle la Colonel Quality Taste Guarantee. Ils vont refaire n'importe quelle portion de votre repas si vous n'êtes pas satisfait. Donc, selon la chaîne, la garantie fait partie de leur campagne de marketing. Ils vont entre autres faire un retraining de chaque Colin, qui donc bien d'avoir. Ils vont réentraîner chaque gérant de PFK pour préparer et faire cuire les repas de recettes originales. Merci. Violet qui est allé fermer la porte. Donc, le changement essaie de ramener les clients chez PFK. La garantie est disponible dans plusieurs PFK participants avec une limite d'un remplacement par client par jour. Les petits caractères disent aussi que le remplacement est seulement valide pendant les 24 premières heures après l'achat. et au même endroit que vous avez acheté votre nourriture à l'origine, pour évidemment empêcher les échappatoires et les gens qui pourraient contester ça. C'est tout écrit en petits caractères. Garantie de goût, mais pas garantie. Ça veut-tu dire que tu seras pas malade après? Ça, c'est 24 heures. Si t'es malade après les 24 heures, j'imagine que tu pourras plus te faire rembourser. Mais ça pourrait être pour, mettons, je sais pas, le poulet popcorn, il est pas assez cuit, ou peut-être que le poulet a pas été, il a pas assez de peau dessus. Donc, si t'aimes pas le goût, tu demandes de te faire refaire ton. Juste un article à la fois. Ce qui ressemble à la garantie de chez Papa John's, qui fait un petit peu la même chose, mais ça va plus loin parce que ça parle de goût subjectivement. Donc, c'est pas genre la qualité, c'est vraiment le goût. Si toi t'aimes pas ça, tu peux dire j'aime pas ça, puis ça passe. C'est dur, hein, quand tu vas manger, là, tu sais, au resto, pis t'aimes pas ça, là. Ouais, tu te sens gêné un petit peu. Moi, je suis pas du genre à renvoyer mon assiette. Est-ce que toi, t'es à votre goût? Pis là, tu viens de dire à ton ami, ah, c'est vraiment pas bon, pis là, tu fais, ben oui! Ouais, je fais ça, moi. Ouais, je suis un petit peu moulette. Ben oui. Ouais. Ensuite, ça, c'est quand même drôle, c'est Sonic, un dépanneur aux États-Unis, qui va offrir des shakes, mais carrés, parfaits pour Instagram. Ouais. Donc, c'est des versions carrées de leur shake, donc leur Creamery Shakes, pendant une journée seulement au Coachella Music and Arts Festival. Donc, la chaîne de fast-food déclare les Square Shakes comme les premiers shakes du monde qui sont faits exprès pour Instagram. Donc, les shakes pour pouvoir être commandés seulement via Instagram par leur fonctionnalité Shop Now, qui fonctionne par géolocalisation, et seulement aux gens qui se présentent au festival à partir du 16 avril, donc c'était il y a quelques jours, au Basecamp Festival Ground. Donc, en plus d'être complètement carré et offert dans un verre carré, les shakes carrés vont venir avec une paille carrée et va avoir des ingrédients carrés dedans. Donc, des fruits carrés, des trucs comme ça, la cerise est carrée sur le dessus. Les shakes ont été créés en collaboration avec le chef célèbre sur Instagram, Jacques La Merde, qui a le surnom de Kristen Flynn. Vous pouvez voir le concept en vidéo sur assemblagerequis.com, mais c'est fait pour donc augmenter leur présence sur Instagram et pousser leur nouveau cream. Ben, pas là. Oui, c'est leur nouveau Creamery Shakes, alors que la météo est de plus en plus chaude. Eh ben, dis ça donc. Ça sert absolument. on a déjà goûté à l'émission ici les Kit Kat, les super grosses Kit Kat, il y avait à la menthe et au biscuit crème. J'ai pas goûté à ça, moi. C'était très bon, mais ça goûtait vraiment pas assez le biscuit crème, ça goûtait juste la Kit Kat normale. Bon. On a mis notre pouce au milieu, je pense, encore une fois. Mais en Australie, on a de nouvelles versions de ces grosses barres Kit Kat là, c'est au Salted Caramel World, donc caramel salé, et on a Coconut World aussi, donc à la noix de coco. Oh là là! Sur eBay, 85$ si vous voulez vous procurer les Salted Caramel Swirl plus 50$ de shipping. C'est ça qui est difficile quand les produits sont seulement ailleurs dans le monde. Quoi? Pour une palette ou pour deux ou trois? Ça dit pas. Dieu, j'imagine pour une. Parce qu'en tant que tel, en Australie, c'est loin, puis le shipping va être cher. Puis, c'est rare, puis tout ça. Mais bon. J'ai goûté là, en fait, de semaine, Kit Kat Chunky chocolat blanc. Super bonne, et vraiment très très bonne. Je trouve, non? Moi, j'adore. Popé! As-tu essayé celle où, qui était half and half? T'avais un côté caramel croquant puis un côté caramel non. Dessus. Et super bonne. La menthe, est-tu bonne? J'ai pas goûté à la menthe. On a goûté juste à celle au chocolat crème. Ok. Je m'excuse. Ensuite, on va toujours aux États-Unis chez IW avec les nouveaux sandwichs au poulet et leur nouveau Butterfinger Polar Swirls, les confiseries glacées. Donc, les restaurants à IW ont des choses nouvelles sur le menu. Les chicken sandwiches, donc sandwich au poulet avec du poulet garni, pas garni, mais c'est quoi le brassé à la main, tu sais, pour ajouter le truc dessus là, pour brassé à la main. Ben, tu sais, là, genre comme le shake and bake. Hein. Ouais. Tu sais, quand tu brasses ton shake and bake, c'est la panure à main. On va l'avoir. Panure faite à la main. Wow. Ils ont aussi de la salade de choux classique et buffalo chez AW aux États-Unis. Donc, le classic chicken sandwich, c'est deux poitrines de poulet, laitue, tomate et assaisonnement. Donc, une petite vinaigrette sur un pain au beurre. C'était le buffalo slaw chicken sandwich avec deux morceaux de poulet. Et puis la salade de choux crémeuse, oui, avec de la sauce Red Hot, Frank's Red Hot. Oh, ça doit être bon, ça. Sur un pain au beurre, ça a l'air génial. Et pour le dessert, le Polar Swirls avec des morceaux de Butterfinger. Tu connais la barre de chocolat Butterfinger? À l'intérieur d'un genre de shake, un genre de comment t'appelles ça? Polar Swirl, c'est comme un truc de... comme un bizarre. OK, un genre de bizarre. Avec des morceaux de Butterfinger, ça a l'air excellent chez AW aux États-Unis. Ensuite, chez Chick-fil-A, toujours dans les commerces de poulet, on teste un pain sans gluten. Donc, c'est Chick-fil-A qui essaie ça en ce moment pour leur grilled chicken sandwich à Boise, en Idaho, à Jackson, dans le Missouri, et à Seattle, Washington. Donc, le pain arrive emballé individuellement. Pour pas toucher à rien d'autre dans la cuisine, tu comprends? Dans un sac de plastique. ça vient séparément des autres ingrédients. Donc, tu dois, dans le fond, ouvrir le sac et fabriquer ton propre sandwich. OK. Qui est quand même le fun. Ben oui. Pour ceux-là qui sont intolérants au gluten, c'est super. Vraiment. Et pour les enfants intolérants au gluten, ça va faire un petit plaisir de plus dans la vie. Ben oui. Donc, le pain sans gluten, dans les cuisines de Chick-fil-A, là où on prépare les sandwichs, il y a évidemment du gluten. C'est pour ça que le pain vient dans un petit sac à part. Évidemment, comme il est emballé individuellement, il faut que ça coûte plus cher. C'est $1.15 de plus. Ah, oh, c'est pas pire. Non, ça a du sens. Ben oui. Ensuite, allons-y avec... tiens, je vais y aller avec... Ah oui. T'aimes les barres de chocolat Twix? Twix, je pense que j'ai jamais goûté c'est, à ça. C'est biscuits, caramel, oui, comme dans l'annonce, là. Oui. Twix gauche, Twix droit. Exactement. Donc maintenant, Twix est disponible en version tartinable aux États-Unis. Oh. Ça s'appelle Twix with Crunchy Biscuit Pieces, donc des morceaux de biscuits à l'intérieur. Donc c'est la compagnie Mars qui amène ça. En fait, ils amènent non seulement... Ah, j'ai même pas vu le reste de l'article. Mais là, je capote, là. Il y a pas juste Twix, il y a Bounty. Oh mon Dieu! Et il y a Maltesers! Oh! Pour vrai... C'est donc bien merveilleux! J'en veux tellement... On déménage! On devrait déménager parce qu'au Canada, tout ce que j'ai vu de tartinable qui était cool avec des barres de chocolat, c'était la tartinade Reese. J'ai beaucoup aimé ça. Ah? Mais c'est tout ce que j'ai vu. À part, tu sais, t'as goûté là, t'as Reese, t'as rien d'autre. Mais là, Twix, Bounty... Là, il y a Laura Secord. Ouais, j'avoue, ouais, je suis correct. C'est au chocolat, ouais, mais c'est pas Twix, crème. Bounty puis Maltesers. Là, pour vrai, j'en veux énormément. Ça, s'il y avait ça sur eBay, j'irais en chercher. Particulièrement, je pense que la Bounty serait vraiment... Ce serait un gros changement pour le déjeuner. Wow, mais hein? Noix de coco, là. Wow. Ensuite, pourquoi pas continuer avec Taco Bell, qui a construit un robot qui va commander pour vous. Oh, Taco Bell. Taco Bell, aux États-Unis, évidemment, qui embarque dans la vague des robots automatisés pour le fast-food. Donc, la chaîne a annoncé une nouvelle intégration avec une compagnie de messagerie sur Internet qui s'appelle Slack, c'est bien populaire en ce moment, pour créer un système de commande qui fonctionne par intelligence artificielle. Ça s'appelle TacoBot. Et le logiciel donc utilise les avancées de l'intelligence artificielle pour comprendre le langage naturel et permettre aux gens de parler avec le robot, commander de la nourriture et même payer pour leurs articles directement à travers le logiciel de chat Slack. Donc TacoBot peut fournir des recommandations, répondre à des questions et organiser des commandes de groupe. Et apparemment ça vient avec une personnalité qu'on s'attendrait à avoir de la part de Taco Bell. Des recommandations. Oui, genre, ben, tu sais, si t'as envie de manger quelque chose de croustillant, tu devrais prendre un taco raide, le taco rigide, la taco raide. Le taco rigide, le taco raide. Tu vas à l'épicerie, tu manges où ton taco raide? C'est ça. C'est ça. Donc, l'intégration avec Slack essaie de faire avancer la technique d'intelligence artificielle. Ça va s'améliorer avec le temps et peut-être que plus tard, tous les restaurants auront leur petit robot de commande. Ensuite, Domino. Tiens, parlant de commandes faciles, c'est Domino qui avait une application qui s'appelle Zero Click Ordering. C'est pour commander avec même pas un clic. Même pas un clic. Donc, la chaîne de pizza a amené Zero Click, une application sur iPhone qui élimine absolument toute interaction qu'on pourrait avoir avec un humain ou même avec une machine. C'est donc, pour commencer, les gens téléchargent l'application Zero Click, connectent ça avec leur profil Domino's qui existe déjà et créent eux-mêmes, une fois, leur option commande facile. Donc, tu pourrais dire, moi, je veux, quand je commande chez Domino's, habituellement, une grande pepperoni fromage. C'est tout, avec, mettons, 2 litres de liqueur. Tu commandes ça. Donc, une fois que c'est créé et que tu as envie d'une pizza, tu vas simplement ouvrir l'application et tu n'as même pas appuyé sur rien. Tu vas attendre que la sonnette sonne chez vous. Hey, deux affaires plates. Premièrement, aucune interaction. Zéro. Ils veulent même pas d'humain, rien pantoute. Deuxièmement, faut-tu être plate dans la vie pour tout le temps commander la même maudite affaire à chaque fois que tu appelles? Hey, tu sais. Vraiment, je commande quelque chose de différent à chaque fois parce que je vais essayer quelque chose de nouveau. Et oui. Puis, au moins, tu aurais pu au moins avoir appuyé sur le bouton. Parce que, mettons que quelqu'un voit l'application sur ton iPhone puis il ouvre. Les enfants, tu imagines-tu, toi, les enfants, ils ouvrent ça, ferme. Tu commences avec 4 pizzas. Peut-être même un mot de passe, quelque chose. Genre, bouton, mot de passe. Je sais pas. Je trouve pas que c'est. Non. Ça marche pas du tout. Bref, en dedans de une seconde, probablement que ta pizza est commandée et il n'y a pas de confirmation, rien. C'est juste ça s'en vient. Ah mon Dieu, c'est veg à mort. Zero clicks de Domino's. Ensuite, est-ce que tu mangerais autant si tu savais combien de minutes d'exercice ou quels exercices tu devrais faire pour brûler les calories que tu as mangées? Ben oui. Ouais. Moi aussi. C'est une conséquence qu'on est prêt à assumer. Donc, selon un sondage de la Royal Society for Public Health au Royaume-Uni, c'est une charité qui est dédiée à la santé et au bien-être des gens. 53% des gens disaient que voyant le nombre de ou la quantité d'activité physique qu'ils devraient faire pour compenser pour ce qu'ils ont mangé, changerait positivement leur comportement en mangeant de plus petites portions. 53%, la moitié des gens changeraient leur comportement, choisiraient des aliments plus santé et feraient plus d'exercice selon le journal britannique BMJ. Ils n'ont pas fait cette étude-là aux États-Unis, hein? Non. Fait que, c'est ça. Déjà que les British sont pas super obèses, je pense, de façon générale. Et que certains disent que leur nourriture est moins bonne aussi. Ah! On dit aussi que les étiquettes sont trop confuses. Mm. Donc, on devrait arranger les étiquettes pour que ce soit plus facile à comprendre, les calories. Parce qu'en tant que tel, moi, étant pas quelqu'un qui s'est renseigné là-dessus, moi, tu me dis des calories, j'ai aucune de ce que ça veut dire. Non, moi non plus. Aucune. Tu sais, comme tantôt, c'est quoi, là? 230 calories, je sais même pas, là, c'est quoi qu'on a besoin par jour. Mais s'il écrivait sur l'étiquette, genre, ça, c'est l'équivalent de... Un cinquième de ton... Mettons, ou mettons 15 minutes de marche, ou une demi-heure, ou peu importe. Peut-être que ça pourrait changer les choses. Peut-être, ouais. Ensuite, je vais aller avec... est-ce que je vais avec ça? Ouais, donc, la science du vin. C'est facile de tromper vos papilles gustatives, apparemment. La prochaine fois que quelqu'un va faire aller du vin dans sa coupe et en commentant sur la complexité de son goût, vous pourriez prendre ça avec un grain de sel, nous dit un article de I fucking love science, oui. Donc, les papilles gustatives et le sens de l'odorat sont modelés par nos préconceptions et nos attentes. Donc, l'art de goûter le vin pourrait peut-être être affecté par des effets placebo. C'est une petite vidéo sur YouTube de A$AP Thought qui a rassemblé des gens et leur a fait en fait goûter à du vin, mais avec une petite attrape. Pour commencer, ils ont testé voir si les amateurs de vin, donc les amateurs de vin amateurs, ceux qui ne sont pas des experts, allaient être perturbés ou allaient changer leur avis par rapport à la bouteille de vin. Donc, est-ce que la bouteille de vin était belle? Ça les a affectés peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et pour le deuxième test, on leur a donné du vin blanc avec du colorant alimentaire pour que ça ressemble à du vin rouge. Oui, oui. Ouais. J'ai vu ça. C'est ouais. Cool. Hein? Et finalement, on leur a donné une coupe de vin avec le même vin. On leur a demandé de discuter. Donc, lequel était leur préféré? Et croyez-le ou non, la plupart sont tombés dans le panneau, finalement, de façon assez hilarante, dans la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Les participants, donc, c'est pas qu'ils connaissaient rien sur le vin. En fait, c'est que plusieurs études ont montré que même les connaisseurs et les sommeliers professionnels vont se faire avoir par des trucs similaires, donc du colorant alimentaire, des trucs comme ça. Hmm. Donc, ça remet en perspective un petit peu les professionnels. Ben oui, hein? Mm-hmm. Ensuite, les artistes japonais font de la nourriture en plastique, de la fausse nourriture en plastique, qui a l'air de la vraie. Une technique est utilisée partout dans le monde, voilà, pour montrer les repas qui sont disponibles en restaurant. Donc, on va faire un faux repas en plastique pour montrer aux gens de quoi ça va avoir l'air dans votre assiette plus tard. Comparé à la cafétéria qui va faire un vrai repas, vous mettez dans l'assiette, ça devient tout dégueulasse. Ouais. C'est supposé être convaincre de l'acheter. Ça. Donc, c'est des artistes dans une petite usine du Japon qui sont devenus maîtres de faire des plats de démonstration en plastique qui ont l'air tellement presque plus vrai que les vrais. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com et ça, c'est plus beau à regarder que les photos. On, mettons dans des restaurants, des fois, des restaurants qui ont des vieilles pancartes, comme mettons au Rivière, le restaurant de... C'est quoi celui du milieu, le Tiki Ming, je pense. Leurs pancartes sont un petit peu devenues fades, ah, oui, jaunes. Les prix ont été genre collés par-dessus parce que ça a changé. Ouais, ça n'a pas changé depuis des années. Donc, ça pourrait être peut-être plus winner de la nourriture en plastique, il me semble. Allez voir ça. Plus coloré, souvent, aussi. Oui, exactement. Ensuite, c'est des croissants aux œufs Cadbury. Ben, okay. Voyons. Ouais. Donc, on vient de finir Pâques, mais dans les dépanneurs, en ce moment, moi, j'en ai vu sur le comptoir de mon dépanneur, il y avait encore des petits œufs dans des petits contenants que tu peux en acheter avant qu'il n'y en ait plus. C'est comme la fin du... Les œufs au biscuit Oreo, là. Oh, mais surtout au Fudgio. C'est encore meilleur. J'ai pas goûté à ça! C'est génial. Donc, allez voir le lien pour les instructions détaillées, mais en gros, là, on plie la pâte autour d'un œuf et on fait cuire ça. Donc, ça devient un petit peu dégoûtant là, parce que ça coule par les côtés, mais ça veut dire quand même que vous allez avoir un œuf au caramel, au chocolat, à l'intérieur d'un croissant. Ça va être génial! Ça doit être bon! Allez voir la recette sur assemblage. Super chocolatine! Ben oui, c'est ça. Une chocolatine avec encore plus de chocolat. Parce que ce qui est plate quand tu fais des chocolatines, mettons, de Pillsbury, c'est qu'il n'y a pas assez de chocolat dedans. Même celui-là à la cafétéria, c'est le même. Je mange tout le tour, puis je garde les lignes, avec le chocolat à la fin. Ah, ouais. Ensuite, tiens, pour ceux qui sont vraiment cheap, et là, c'est pas cheap péjoratif, là, c'est cheap parce que vous voulez économiser sur les choses qui sont pas nécessairement... qui valent pas la peine d'être achetées très, très cher. C'est pour faire un petit truc pour ramper du fromage, une râpe à fromage. Oui. Mais avec une canne. Une canne de soupe ou une canne de légumes ou peu importe comme ça. Donc, il y a une vidéo sur assemblagerequis.com. En tant que tel, vous pouvez utiliser une règle, une drill et du papier sablé pour transformer une canne en râpe à fromage. Super simple, c'est sur le YouTuber, c'est la chaîne YouTube Mr. Gear qui nous fabrique ça. Ben, c'est pas fou, hein? Ouais, pas de mauvaise idée du tout. Je me sers quasiment jamais d'une râpe, donc tant qu'à en acheter une pour rien, aussi belle affaire soi-même. Ensuite, Scandinavie. Oh, ouais, c'est ça, j'allais dire. Donc, qui va avoir son premier supermarché avec zéro emballage. En 2014, un nouveau marché alimentaire à Berlin nommé Original Unverpackt qui a ouvert ses portes au public, qui offrait aux gens, aux clients, la possibilité d'acheter des fruits, des légumes et des nourritures sans emballage. Leur but était d'éliminer les poubelles, les déchets, avant que ce soit même créé, selon le New York Times. Donc, ça s'appelle du pre-cycling. C'est comme du recyclage, mais du pré-cyclage, si on veut. Mmh. Qui est à la mode en Europe en ce moment. Selon Food Tank, il y a un magasin similaire qui s'appelle Los Market, qui va ouvrir à Copenhague, au Danemark, cet été. Donc, Los Market qui prévoit vendre 400 produits biologiques de fermiers locaux et de vendeurs locaux. Les clients n'amèneront pas leur nourriture dans des sacs de plastique. À la place, ils vont les placer dans leur propre conteneur ramené de leur maison. Ils vont utiliser des bouteilles vides fournies par le magasin pour amener du liquide comme du vin, du savon et de l'huile. Hey! Donc, t'amènes ta bouteille, ton 2 litres. En fait, pas t'amènes ta bouteille. Le magasin fournit une bouteille sans le bouchon. Genre, okay. Quelque chose comme ça, j'imagine. Non, des bouteilles normales. Et on va transverser le liquide dans la bouteille. C'est comme du vrac. C'est tout du vrac, dans le fond. C'est genre du vrac. C'est pas mal ça. Mais ils fournissent pas les sacs et toutes les affaires. Non, c'est pas ça chez toi. Et quand les gens ont fini avec les bouteilles, on peut les ramener pour qu'elles soient lavées chez Lost Market et elles vont être données à d'autres visiteurs plus tard. Pour les choses sèches, les produits secs, on va recevoir des sacs compostables en papier. On peut prendre des sacs en papier compostables du magasin. Ça va être le premier supermarché zéro emballage en Scandinavie. Ils espèrent réduire les déchets de 343,9 livres d'emballage produits par personne chaque année dans l'Union européenne, selon Foodtech. Les Américains génèrent 250 millions de tonnes de poubelles. Ils ont généré ça en 2012. Ils ont recyclé et composté seulement 87 millions de tonnes sur 251 millions. Ce qui fait pas mal de mal à la planète. Ça en prend des initiatives comme ça, à un moment donné. Ça paraît fou là, quand tu regardes ça, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Voilà. C'est quoi le nom de l'oiseau qui livre les enfants là, dans les cigogne. La cigogne. Donc les cigognes qui apparemment abandonnent leur migration pour manger du junk food. Ouais. Donc on n'y pense pas tout le temps, mais en Espagne et au Portugal, ces oiseaux-là ont une deuxième carrière, oui. Et les chercheurs croient que le junk food les empêche de faire de la migration. C'était publié dans le journal Movement Ecology. Donc les cigogna, c'est leur nom scientifique. Donc les cigognes sont de gros oiseaux avec des ailes qui peuvent, dans le fond, d'un bout à l'autre de l'aile, ça peut faire 165 cm, 64 pouces. Oui, presque 2 mètres quand même. Ils sont assez communs et sont de plus en plus vus dans ces pays-là. Et ça va augmenter de 10 fois. Donc, ça a augmenté de 10 fois depuis les 20 dernières années, selon une chercheuse, Aldina Franco. Le pays accueille 14 000 de ces oiseaux-là et ça continue d'augmenter. Donc, ça dit qu'ils sont en Europe et en Asie. C'est ça, une des raisons pour leur migration était l'absence de nourriture dans le nord. Donc, la nourriture était gratuite, était un petit peu partout comme ça dans le pays. Donc, les cigognes n'avaient plus de raison pour partir. Voilà. C'est des grosses mouettes. Grosses mouettes, exactement. et finalement, tiens, des croussées à saveur de soda au Japon. Oh! De liqueur. Au gingembre? Non, si seulement. Donc, deux goûts qui vont bien ensemble. Je pense les chips et la liqueur en tant que telle. Mais maintenant, les deux ensemble fusionnés dans une chip. C'est une histoire de jeux vidéo japonais, donc Namco, qui est en partenariat avec une compagnie de boissons gazeuses, Kimura Drink, pour présenter un nouveau soda à saveur de croustille. Donc, les nouvelles, c'est ça, c'est pas les chips à saveur de soda. C'est l'inverse. C'est l'inverse, excusez-moi. Non, c'est vraiment pas cool. La nouvelle boisson va seulement être disponible comme prix dans des jeux de Namco, des jeux avec des pinces. Là, oui. Dans des arcades, des parcs d'amusement au Japon. Et ça va être seulement pour un temps limité. C'est pas la première fois que Kimura Drink sort une boisson gazeuse non traditionnelle. Par le passé, ils ont sorti des boissons à la tomate, aux patates douces, au wasabi et même au eel, c'est une sorte de poisson, des algues. Exactement. Donc il y a quelques mois, Namco qui était aussi en partenariat avec une compagnie de collation Calbee pour créer... Ah, je savais que c'était pour ça que j'avais parlé de ça. Qu'il y avait des croustilles à saveur de soda aussi. Ah! Ça, c'était avec la compagnie Calbee. Fait qu'ils ont décidé de faire l'inverse. Ils ont fait l'inverse avec une autre compagnie. Et donc, les chips venaient dans des seaux à la place de venir dans des sacs. Et comme les nouveaux sodas à saveur de croustilles, les croustilles à saveur de cola étaient seulement disponibles dans les arcades. Aïe, du jus de chip, wesh! Dégalasse, ça c'est quel chip par contre, ça je veux savoir. C'est des chips régulières, c'est bon. Dégalasse, voilà, on s'est rendu jusqu'au bout de cette chronique d'une grosse tendresse. Une grosse chronique aujourd'hui, on s'est gâté pas mal. Ben ouais! Waouh, ouais. Plein d'idées de bouffe. Absolument. Voilà, c'est tout, les liens sont sur assemblagerequis.com. Et nous, ce sera la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Véronique Mire. Ben, ça me fait plaisir. T'es resté avec nous une bonne partie de l'émission. Merci aussi à Gabriel Béaud qui était là en début d'émission. Tania va être de retour la semaine prochaine pour une autre édition. Et justement, on va être en direct toujours les mardis entre 15h et 18h. Après nous, ce sera à 19h, réanimation, l'émission de Metal et d'Horreur. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, à 20h, ce sera Scrape Punk, l'émission de Punk Rock. Et finalement, on repasse le dimanche à midi. Après nous, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les baladodiffusions. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci encore. Hey, bravo, bravo. Merci. Super intéressant. Puisant aujourd'hui. je vous retrouve demain au Mathieu Plante Show entre 15h et 17h avec Samuel Girard. Bonne journée. Bye. Cette fois je vais rester.